pour la transmission de votre patrimoine à la retraite. Bénéficiez de toute l'expertise AXA en assurance vie pour transmettre à vos proches. Même si vos priorités changent à la retraite, vous serez toujours vous et toujours bien accompagné avec AXA. Rencontrez votre conseiller AXA ou rendez-vous sur AXA.fr. On en parle. On parle du service civique, programme d'engagement volontaire pour les jeunes, avec Davy Lemaire, conseiller municipal délégué à la jeunesse de la ville de Dunkerque. Bonjour. Bonjour. Alors le service civique, vous, je crois que vous connaissez bien. C'est exact, puisque moi j'ai été volontaire il y a quelques années, ouais. Et qu'aujourd'hui je suis du côté de l'organisme d'accueil. Mais qu'est-ce que ça apporte à une collectivité d'accueillir des volontaires en service civique? Pour nous, ça a un double impact. Le premier qui est direct et immédiat, mm-hmm. par l'émission des volontaires au sein des services de la ville et l'émission avec les habitants. Ouais. Et le second, c'est à moyen terme, la formation de nos jeunes pour l'avenir. Donc du coup, ça crée du lien. Et oui, accueillir des volontaires en service civique, c'est le meilleur moyen de favoriser l'agir ensemble sur notre territoire, entre les usagers et les institutions. Donc si je comprends bien, vous encouragez les collectivités à recourir au service civique? Bien sûr, je crois que c'est l'intérêt et le rôle des élus locaux, et même au-delà de toutes les collectivités, d'encourager l'engagement civique et de développer les missions d'intérêt général. Eh bien merci pour toutes ces précisions. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. On en parle. Chez Sarenza, pendant les soldes, Vanessa, responsable des réductions, peut devenir complètement folle. Allez hop, aujourd'hui, moins 10% supplémentaire sur les Geox hommes, femmes et enfants. Vanessa, ça va? Tu veux pas un petit verre d'eau? Un antidépresseur? Non, laissez-moi faire des réductions, je veux faire des réductions. Respire Vanessa, respire. Vanessa, elle est folle, mais c'est ce qui permet à nos clients de rester, eux, très raisonnables et de chausser toute la famille en Geox. Moins 10% supplémentaire sur les Geox déjà soldés, c'est aujourd'hui. Sarenza.com. Vanessa, tu peux soumettre l'offre à condition tout de même? Non. Bonne nouvelle! Pour vos vacances, Costa Croisière décuple votre bonheur. Désormais, avec le tarif Total Confort, le forfait boisson et bien d'autres avantages sont inclus et disponibles pour toutes nos croisières. Réservez dès maintenant. Costa, le bonheur à la puissance 2. Pour plus d'informations, consultez votre agence de voyage ou costacroisière.fr. Carrefour. Franck, qu'est-ce que tu fais? Je regarde le catalogue Carrefour au top de ma beauté, il y a plein de super promos. Mais papa, c'est pas un truc de fille ça? Mais pas du tout, tu vois, par exemple, dès demain et jusqu'au 11 juillet chez Carrefour, il y a 40% de remise immédiate sur le déodorant Nivea Men. Et c'est mon préféré. Fais voir un peu? Non, parce que j'ai pas encore fini. Dès demain et jusqu'au 11 juillet dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, c'est l'opération au top de ma beauté. Par exemple, profitez de 40% de remise immédiate sur le déodorant Bille Nivea Men, 2 x 50ml. Carrefour. Bon, prenons une élève. Petite 1, elle est passée en classe de 4e de justesse. Petite 2, son début d'année s'annonce un peu fébrile. Question, comment l'aider à réussir son premier trimestre dans les meilleures conditions? Vous avez 20 secondes et pas de calculette. Avec Acadomia, la réponse est facile. Vous pouvez dès maintenant, pour la rentrée, réserver les cours particuliers de votre enfant. Accompagné par un enseignant spécialement dédié, il pourra améliorer ses connaissances et ses méthodes de travail. Renseignez-vous sur acadomia.fr ou 0810 10 15 20, prix d'un appel local. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché. On n'est pas follement en avance. Hein. Mais non. Alors dites-moi, le premier film de la saga Camping, ça date d'il y a 10 ou 15 ans? C'était il y a 10 ans. Une petite dernière réplique, parce que c'est une question qu'on peut tous se poser cet été. Voilà. Quand tu faisais tes courses chez nudiste, tu mettais où ton porte-monnaie? Eh ben oui. J'avais mon porte-monnaie. Sous le bras. Main, bien entendu. Avec beaucoup de dignité. Dans le chez naturiste. Et ouais. C'est Maître Gims qui est la bande originale du film. À l'île du Levant. Alors voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on va se séparer sur ces bonnes nouvelles. On a fait un point très complet de la situation culturelle du pays. Et je vois que ça va mieux que l'économie. Donc c'est déjà beaucoup. Allez, passez une excellente journée. Il ne nous reste plus qu'à dire bonjour à Julien. Merci les infos, à tout à l'heure, bien sûr, pour un premier flash à 10h qui sera suivi d'un deuxième flash à 11h. Une heure et demie de négociations pour régler vos problèmes, pour vous être agréable, pour vous remercier de nous être fidèles. C'est ce que nous allons faire. Un premier cas arrive tout de suite, c'est celui de Gérard. Gérard, bonjour. Bonjour Julien. Comment ça va Gérard? Vous nous appelez d'où? De Colmar. Gérard, c'est un problème de petite moto, car la moto Gérard, il a dans le sang. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on vous fournisse enfin une moto parce que celle qu'on vous donne n'est jamais la bonne. Exactement. C'est un truc de fou. Il va vous décrire ça dans quelques instants. Alors j'ai évidemment autour de moi des motards, des footballeurs, des rugbymen, des stripteaseuses. J'ai tous les métiers. Maître Felono arrive dans une seconde. Elle est allée se repomponner. Elle est maître parfaite pour être... La voilà qui revient à l'instant en direct. Alors... Non mais le rouge à lèvres, c'est essentiel. Oh, ben il faut remettre que sur les lèvres. Il y a Hervé et Bernard qui sont là. Bonjour Julien. La fine équipe d'Alain Hazard également. Et nous allons aussi, vous le voulez bien, démarrer avec le cas de Gérard. Voici ce que Gérard nous a laissé comme message sur le 3210. J'ai acheté une moto auprès d'un professionnel. Je l'ai payé plus de 14 000 euros. Il était bien précisé que cette moto devait être adaptée à ma taille. Une mesure comme 1m65. Celle que j'ai reçue ne l'était pas, et la suivante non plus. Alors, vous mesurez 1m65, Gérard, donc vous avez bien précisé qu'il fallait une moto, effectivement, parce que certaines motos peuvent être très hautes, notamment les motos de cross de trial sont assez hautes. C'est ça? Oui, oui, si vous voulez, ça, c'était mon achat était conditionné à cette hauteur de tête. Évidemment, car vous alliez partir faire un road trip en Corse, donc vous avez cassé la tirelire pour cette nouvelle moto. Exactement. Vous avez été chez un professionnel, 10 000 euros plus reprise de la vôtre, 4 200, c'est plus ou don reprise de la vôtre? Elle valait plus, en fait... Plus, si vous voulez. La moto, elle vaut 14 260. Voilà, donc vous avez fait, vous avez comblé avec les 10 000. Après, reprise, la particularité, une selle adaptée à votre taille, comme vous êtes plutôt petit, 1m65, mais tout ce qui est petit est mignon, je vous le rappelle, exactement. Gérard. Et malheureusement, quand la moto arrive, la selle est trop haute et vraiment pas adaptée. Donc vous avertissez le vendeur pour qu'il la récupère, il vous propose... Une seconde moto à condition de rajouter combien ? En gros, 900 euros. Mais excusez-moi, Gérard, mais je m'y suis intéressé il y a très longtemps, là, à ces petites motos, à ces motos. Ils vous donnent la taille exacte. Moi, c'était pour mon fils. C'est marqué sur les brochures, donc vous savez si c'est assez haut ou pas haut. Oui, mais justement, sur la brochure commerciale de Ducati, cette moto apparaît à une hauteur de selle standard de 810. Ah, d'accord. Avec donc... possibilité d'adapter une selle basse qui réduit la hauteur de 20 mm, ce qui fait 790. Et moi, j'ai toujours communiqué avec le concessionnaire, avec Ducati Paris. Après, pour moi, 790, c'est la hauteur maximale pour rouler en toute sécurité. Bien. Est-ce que Maître Félonneau, dans ce dossier, ce que les échanges que Gérard a pu avoir avec le vendeur sont clairs et sans ambiguïté? Non, mais sur sa commande, il est bien clairement spécifié selle basse avec une référence. Et maintenant, il se retrouve, au lieu de se retrouver avec une hauteur de 790, il est à 830. Donc c'est pas la bonne selle. Ah non, c'est pas la bonne selle. Et c'est dangereux quand on ne peut absolument pas poser les pieds par terre. Non, mais c'est. Quand vous arrivez au feu, à un moment donné, vous priez pour qu'il soit vert, pourvu qu'il soit vert, pourvu qu'il soit vert. Et s'il est rouge, Bon, et le vendeur. Maître Félonneau, je m'excuse. La première moto était effectivement à 830 avec la selle basse. Et la deuxième, qui devait être à 790, ne l'est toujours pas parce qu'elle est à 810. J'ai bien compris. Et apparemment, cette moto ne se fait pas. Ok, Gérard, je pense qu'on va pas rentrer dans un débat technique. Okay, nous, ce qui nous intéresse à notre niveau, c'est ce qu'on commande et ce qu'on reçoit. Si vous commandez quelque chose qui doit faire, je dis n'importe quoi, 75 cm, à l'arrivée, il doit faire 75 cm, c'est tout. Exactement. Alors, je dirais mieux quand même, Julien, même si ce n'avait pas été spécifié. Gérard, il est allé acheter sa moto en personne, ça ne s'est pas passé sur Internet. Ça se voit. Donc, c'est un défaut de conseil. Les besoins d'un client, ça se voit, ça se comprend. Ce n'est pas un caprice de sa part, c'est une nécessité. Elle a bien été comprise par le vendeur, mais visiblement, il a vendu quelque chose qui ne peut pas utiliser. Eh bien, nous allons appeler. Vous êtes un ancien spécialiste de la moto, vous me semble-t-il, Hervé Pouchol. Oui, vous avez eu beaucoup de motos. Et de l'auto, surtout. Ouais. Mais si vous vous souvenez bien, je m'étais rendu au siège de Ducati à l'époque, à Colombes, et on avait été très bien reçus. Ah. Ils avaient réglé le problème. Super. Donc si on n'arrive pas à le régler... Vous retournez à Colombes. Ah oui. C'est parti. Donc dans une seconde, mesdames et messieurs, nous allons appeler, si vous le voulez bien, celui qui a vendu la moto en lui disant, vous avez vu qu'il était petit, il vous l'a spécifié, et il a bien été marqué sur le contrat que la moto ne devait pas dépasser une certaine hauteur. Ce n'est pas le cas. Il faut vraiment qu'on trouve une solution, une négociation qui aura lieu dans l'émission. Et vous assisterez à tout. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. J'en profite également pour vous dire qu'à l'occasion de la tournée Folio sur mer, les éditions Folio et RTL offrent à tous les auditeurs intervenant à l'antenne une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-site.fr. Salut vieille branche. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Bah, tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus, pile poil. Oh, ah, ça va mieux. Et oui, Total s'engage à vous livrer vos pelets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pelets Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpelets.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Leclerc. Chéri, à partir du 22 juin, on n'est plus libre pour rien ni personne. Ah bon? C'est les soldes chez Leclerc à partir du 22 juin. À partir du 22 juin et tu m'annonces ça comme ça? Bah comment veux-tu que je te le dise? Il faut que je te le chante. À partir du 22 juin, c'est les soldes chez Leclerc et c'est cool. À partir du 22 juin, ce sont les soldes chez Leclerc sur de nombreux produits signalés en magasin. Voir modalités dans les magasins participants. Un mois de soldes chez Leclerc à partir du 22 juin. Je vais prévenir maman, elle adore les soldes. Bien sûr. Les soldes avec ta mère. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 43 ans. Il y a 3 mois, mon médecin m'a dit que ce serait bien pour ma santé que je perde une dizaine de kilos. Ça m'a fait un choc. Et alors? Et alors rien, j'ai pas fait comme j'aime, j'ai toujours mes 10 kilos de trop. Valérie, il n'est pas trop tard. Commencez comme j'aime aujourd'hui et vous aurez perdu vos 10 kilos dans 3 mois. Aujourd'hui, il y a une offre vraiment exceptionnelle. Un mois gratuit. Oui, un mois gratuit en téléphonant au 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Euro 6 est à partir de 7 990 € hors taxes. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,06 € incluant 4 360 € de remise et 1 500 € de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voire Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le cas de Gérard. Gérard mesure 1m65, il veut donc une moto adaptée, d'autant plus qu'il va faire un raid en Corse. C'est pour ça qu'il a cassé sa tirelire. Chacun a le droit d'avoir son petit plaisir. Il a économisé pour ça, il est rentré dans un magasin. Il leur a dit, regardez ma taille, donnez-moi une moto adaptée. On lui a dit, il y a celle-ci sur laquelle vous pourrez mettre une selle adaptée. Et c'est marqué sur le contrat, et ce n'est pas le cas à l'arrivée. Et là, on lui dit, bah, pour avoir maintenant quelque chose de conforme, il faut rajouter quasiment 1000 €, 900 exactement. C'est pas normal. L'appel est lancé, s'il vous plaît, Germain. Vous me faites le numéro donc du vendeur. Alors, inutile de vous dire le nom de la ville. Bonjour. Si je vous dis qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lettres dans la ville. Là, vous mettez ça, un Scrabble spécial ville. Personnellement. Vous explosez tout puisque nous sommes à Souffle-Warsheim. Aïe, aïe, aïe. C'est bien sûr, dans le 67. Non, c'est pas évident. Mais vous êtes un peu alsacien, j'ai entendu votre accent. Pas trop, moi je suis modélo. Et j'ai été muté en Alsace il y a une vingtaine d'années. Bah vous avez pris un peu l'accent quand même. Peut-être. Alors, voyons si on nous répond à Souffle-Wallersheim. Ducati Strasbourg, bonjour. Bonjour Ducati Strasbourg, Julien Courbet à l'appareil, monsieur, nous sommes sur la radio RTL, je suis en train de faire mon émission, je suis ravi de vous parler. Est-ce qu'il est possible d'avoir peut-être monsieur Willem? Je suis avec Gérard Vidili qui a eu un petit problème de commande de moto. Je sais pas si vous le connaissez. Oui, je le connais. Ouais. Voilà, il est en ligne avec nous, il va vous dire bonjour Gérard. Oui, bonjour monsieur Willem. Ah mais c'est vous. Alors monsieur Willem, je suis ravi et encore une fois, vous avez une grande marque. Nous avions eu il y a très longtemps un cas traité avec nos amis de Ducati à Paris, ça s'était merveilleusement bien passé. Monsieur Willem, voilà ce que nous dit Gérard. Je suis rentré, j'ai expliqué mon problème de taille et qu'il me fallait une selle etc. et elle n'arrive pas à la bonne hauteur. Est-ce que vous me le confirmez? Oui. Bien. Donc lui, aujourd'hui, vous lui dites que pour avoir la bonne hauteur, il faut rajouter 900 €. Non mais attendez, c'est quoi l'objet du débat en fait là? Ben l'objet du débat, c'est que il va vous le dire. Alors Gérard, pourquoi vous êtes sur RTL ce matin? Expliquez ça. Je suis sur RTL ce matin parce que j'ai réceptionné une première moto qui était trop haute. De là, on a convenu avec monsieur Willem qu'il y aurait un échange avec une nouvelle moto avec une selle plus basse. Donc pour obtenir cette nouvelle moto, je devais mettre de ma poche à peu près 900 €. Donc on a réceptionné cette nouvelle moto, mais cette nouvelle moto n'est toujours pas à la bonne hauteur. Et apparemment, cette moto ne peut pas être avec une hauteur de selle de 810. Voilà le problème. Allô ? Oui, je suis là. Alors, donc, on est bien d'accord que le client avait donné des spécifications bien particulières et qu'on n'arrive pas à lui fournir le matériel adéquat. Voilà, donc aujourd'hui, il ne peut plus utiliser la moto, donc comme on ne peut pas lui en donner une autre, soit vous en avez vraiment une autre qui fait la bonne taille, mais apparemment il semblerait que non, soit on annule la vente. Puisque lui, il vous a dit, je veux une moto de telle hauteur, vous lui avez dit, ok, vous l'avez marqué, très professionnellement. Vous lui en livrez une, et elle n'est pas à cette bonne hauteur. Vous dites, effectivement, ça ne correspond pas au contrat. Je vous en livre une autre, il faut rajouter 900. Bon, déjà là, ça coince un peu, parce qu'il n'a peut-être pas envie de rajouter 900, mais il se dit, allez, je suis prêt à payer 900 de plus, mais c'est toujours pas la bonne hauteur, monsieur. Écoutez, je ne suis que revendeur, je dépends d'un constructeur. Monsieur Vidili, a pris contact avec le constructeur. Il a été proposé certains arrangements commerciaux à Monsieur Vidili. Maintenant, Monsieur Vidili ne les a pas acceptés. J'ai réceptionné un recommandé de Monsieur Vidili auquel j'apporterai une réponse. Je vois pas qu'est-ce que ça peut changer de contacter RTL pour ce problème. Non mais monsieur, c'est juste, ça permet de voir comment Ducati règle les problèmes quand il y en a. Je trouve que c'est déjà intéressant. Et vous vous êtes trompé deux fois sur une moto, monsieur, et tout ce que vous êtes en train de nous dire, tout ce qui vous intéresse, c'est de savoir pourquoi ça passe sur RTL. Le fait que votre client ne soit pas satisfait, qu'on se soit planté deux fois sur la hauteur de la moto, sauf si vous me dites maintenant, il vous ment, on ne s'est pas planté, c'est pas ça. C'est tout ce qui vous intéresse de savoir, vous, c'est pourquoi ça passe sur RTL. Je vois pas l'intérêt, en fait. L'affaire peut très bien être réglée. Mais la preuve que non, puisque... Alors, Gérard, pourquoi êtes-vous passé par nous, puisque c'est pas nous qui avons été vous chercher, Gérard, on est bien d'accord. C'est vous qui nous avez contactés, Gérard. Exactement. Alors, pourquoi vous nous avez contactés, Gérard? Pourquoi vous n'avez pas traité directement avec Ducati? Lors de notre dernier entretien avec M. Willem a laissé sous-entendre que je devais participer financièrement au débours qu'il avait eu suite à ces différentes transactions. Mais moi, je suis totalement contre ce fait. Pour moi, l'erreur vient de Ducati. Moi, aujourd'hui, j'avais commandé un produit qui était stipulé... Gérard, ça on l'a compris. Ne perdons pas de temps à redire que les motos ne sont pas conformes. Monsieur ne le conteste même pas. Maître Fellono. Oui, monsieur, oui, bonjour. Moi, l'utilité de passer par RTL, je vais vous la dire. C'est juste vous avertir que c'est la dernière possibilité amiable avant la saisine d'un tribunal. Il me semble que vous connaissez monsieur Vidili, Gérard. Vous l'avez vu. Malheureusement, je lui ai vendu. D'accord. Donc, vous lui avez vendu une moto dont il ne peut pas se servir. C'est un défaut de conseil, et cette fois-ci, c'est pas une histoire de fabricant. C'est une histoire de. Laissez-le parler. Ce n'est pas un défaut de conseil. Monsieur Vidili est venu en concession, s'est assis sur la moto, a validé ce véhicule par la signature d'un bon de commande. Il a validé ce véhicule. Avec une autre selle. Avec selle basse. Il a validé le véhicule sur lequel il était. Avec selle basse? Ouais. Avec celle basse. Ouais. Est-ce que le véhicule était à la hauteur qui est marquée sur le contrat, monsieur? C'est la seule question. Sur le contrat de vente, il n'y a pas de hauteur de stipulée. Ouais. Une fiche produit affichée en concession stipulait la hauteur de celle. D'accord. De cette moto. Alors, est-ce que la fiche produit en magasin correspond à la réalité? Tout à fait. Donc, la selle basse tel qu'il lui a été vendu, ça correspond à... Alors, vous avez entendu, Gérard, ce que dit ce monsieur? Oui, ça fait sourire, mais bon. Bon, ok. Bon, monsieur, de toute façon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Vous, pour vous, l'histoire, pour l'instant, elle est réglée. Pour qui? Pour moi? Oui. Ah non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous lui proposez à monsieur Vidili? Vous voulez lui parler hors antenne? Non, ce sera... l'échange se fera par courrier recommandé. D'accord. Ça marche. Eh bien, je vous laisse lui envoyer le recommandé. Tout à fait. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. De même. Au revoir, monsieur. Au revoir. Allez, on va raccrocher avec monsieur, parce qu'à un moment donné, par expérience, on sait quand il faut parler et quand il ne faut pas parler. Vous savez, des fois, vous commencez des conversations et vous savez exactement comment va se finir la conversation. Donc maintenant, c'est ce que j'avais expliqué dans mon précédent spectacle, maintenant je gagne du temps. Quand je commence une conversation, je vais directement à la fin de la conversation. Par exemple, quand je rentre chez moi le soir après une journée de boulot, ça va ma chérie, tu as passé une bonne journée? Eh ben c'est ça, fais la gueule, va te coucher. Et ben voilà, et je gagne 2 heures où je me permets de faire du sport et de faire d'autres choses. Nous allons donc appeler le siège vos amis. Ouais, là ouais. C'est vraiment, je remets le destin de Gérard entre vos mains, Hervé. Ouais. Vous faites bien. Allez, c'est parti. J'avais été bien reçu à l'époque, hein. Maintenant peut-être que ça a changé. Peut-être que ça a changé. Mais attention quand même, on est bien clair, hein, Maître Félonos, monsieur semble dire, moi sur le contrat, il n'y a pas de hauteur, etc. Alors, moi je vois sur la fiche produit, Julien, qu'il est clairement spécifié que la moto d'origine et la hauteur de la selle est à 810 mm. Mais on lui a vendu justement une moto, d'après le bon de commande, avec la spécification non pas de la selle d'origine, mais on a pris le soin de mettre selle basse. Alors, la selle d'origine était à 810, il s'avère qu'en fait elle est à 830, donc c'est pire. Et il attendait que ce soit surbaissé de 20 cm et il n'arrive pas à l'avoir. Or, je ne suis pas d'accord avec ce vendeur. Le défaut de conseil, il est là. C'est qu'on ne vend pas une moto avec une autre selle que celle d'origine si ce n'est pas pour s'adapter à la hauteur de son client. Dans une seconde, l'appel sera lancé là-bas pour essayer d'en savoir plus. Là-bas, ce n'est pas très loin d'ici. C'est au siège de la marque. Essayons de voir si on est... Non, pas... On a été bien reçu, mais oui. Ce monsieur, il n'a pas trop envie de passer sur RTL. Je peux le comprendre. Hein. Il est à, je le rappelle, Soufelwehrersheim. Oh ben, j'arrive pas à le dire. Dites-le, Gérard. Soufelwehrersheim. Ah ben vous, ça sort tout seul. Oh, moi, ça arrive pas. Soufelwehrersheim. Ah ouais, dis donc. C'est même compliqué pour moi. Oui. Ouais. Allez, nous nous retrouvons dans une seconde pour cet appel. À tout de suite sur RTL. Envie d'acheter ce que vous aimez à prix tout doux en beauté, bijoux, maison et mode? La solution, c'est QVC. Chaque jour, dès minuit, découvrez le Today Special Value, l'offre privilège du jour. Alors à ce soir, sur la chaîne télé QVC et la boutique en ligne QVC.fr en tapant 3 lettres QVC.fr. QVC, achetez ce que vous aimez, aimez ce que vous découvrez. RTL, première radio de France. C'était les meilleures vacances de ma vie. J'arrive sur une grande plage, superbe. Enfin non, une petite plage déserte. Et c'est là que je tombe sur cette fille. Non, je tombe sur ces deux filles. Deux brunes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Deux jumelles, blondes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Et on a fait la fête dans une sorte de village hippie. Un village hippie. Voilà, et après on a fait des brunes. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Avec Intercité, les billets sont à partir de 15 euros toute l'année. Offre soumise à condition, plus d'infos sur sncf.com. SNCF. Valise. Mais on part qu'un week-end. Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Message de Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA. Cette année encore, 60 000 animaux seront les grands perdants de l'été. Pour aider les refuges de la Société protectrice des animaux à les prendre en charge, soutenez-nous. Faites un don sur la-spa.fr. La SPA vient d'obtenir le label Don en confiance. Avec RTL. Bonne nouvelle! Pour vos vacances, Costa Croisière décuple votre bonheur. Désormais, avec le tarif Total Confort, le forfait boissons et bien d'autres avantages sont inclus disponibles pour toutes nos croisières. Réservez dès maintenant. Costa, le bonheur à la puissance 2. Pour plus d'informations, consultez votre agence de voyage ou costacroisière.fr. Carrefour Market fête ses clients. J'adore votre fête, ça réveille en fanfare. Vous me proposez quoi aujourd'hui? Le meilleur des réveils, Michel. Market fête ses clients avec une sélection de prix choc. Par exemple, jusqu'au 3 juillet, la cafetière à dosette Tassimo, prête en un clic, est à seulement 29,90€. Oh, ça me plaît, c'est une cafetière à dosette. Une offre comme ça, c'est à saisir rapido. Alors servez-moi illico. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Multi-boisson, tasse 2002. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et tout a commencé. C'est comme dans un film américain. Tout a commencé avec Gérard. Gérard qui nous a laissé un message que voici. J'ai acheté une moto auprès d'un professionnel. Je l'ai payé plus de 14 000 euros. Il était bien précisé que cette moto devait être adaptée à ma taille. Je ne mesure qu'un mètre 65. Celle que j'ai reçue ne l'était pas et la suivante non plus. Il est spécifié sur le bon de commande que la moto sera livrée avec une selle basse, qui n'est pas la selle d'origine, ce qui prouve bien que ce monsieur a dit sur la selle d'origine, c'est trop. Je n'arrive pas à être à l'aise là-dessus. On lui livre avec la selle basse et la selle basse, en fait, ne change rien apparemment à la hauteur. Donc il dit, il faut me la changer. On lui dit, pour vous la changer, il faut 900 euros supplémentaires. Et là, il n'est pas d'accord. Nous avons appelé souffle la boîte à Schaim dans le 67 à Ducati Strasbourg. Et là, nous sommes tombés sur le responsable, monsieur Willem, qui a dit j'ai pas envie que ça passe sur RTL, je vois pas pourquoi je parlerai, etc. Il dit maintenant ça se règle par lettre recommandée. Donc nous allons quitter souffle la boîte à Schaim pour aller au siège. À Colombes. À Colombes, quel idiot, c'est bon. À Colombes. Elle est très très bonne. Elle est très très bonne. À Colombes. Allez, c'est parti. On appelle, s'il vous plaît, vous le siège de Ducati. C'est des Italiens, Ducati ? Oui. Hein ? À hasard. Encore un problème avec des Italiens, je vais vous le dire. On ne vous entend pas, vous n'avez pas de micro. Des garanties. Et c'est tant mieux, d'ailleurs. Conformité européenne, composé le 2. Pour les attestations, le grand président de Ducati, écoutez, il s'appelle Buzzoni. J'adore, moi, les noms italiens. J'adore l'Italie. Et communication, composé le 4. Pour contacter le 4. C'est Germain aujourd'hui qui est au téléphone. Et Germain ne fait que des 4. Bienvenue chez Ducati West Europe. Merci de bien vouloir patienter. Nous allons donner suite à votre appel. Welcome to Ducati West Europe. Please hold the line. We're going to take your call. Année exceptionnelle, célébration exceptionnelle. Qu'est-ce qui est exceptionnel ? En 2016, à l'occasion... Ah bah moi, je voulais savoir ce qui allait se passer. On m'a coupé la chic. Vous avez un contact particulier, Hervé Pouchol, ou pas ? Thierry Boutherde. Très bien. Est-ce que ça vous redonnez ? Bonjour et bienvenue chez Ducati France. Nous ne pouvons pas traiter votre appel. Ah, c'est bien nous ça. Nous proposons de laisser un message avec vos coordonnées. Mais non, en pleine matinée, ça, c'est embêtant ça. Nous vous rappellerons dans les meilleures délais. Allez, on refait. Alors vous allez le faire en antenne et vous me faites la petite alerte dès que nous avons quelqu'un en ligne. Mais là, vous voyez, quand on appelle carrément le constructeur au siège, aucune ligne ne répond, mon Gérard. Donc vous ne vous inquiétez pas, nous nous battons et nous allons avoir quelqu'un. Si jamais, je dis bien si jamais nous n'avons personne ce matin, je m'engage à ce qu'un duplex soit organisé avec Hervé Pouchol dans les jours qui viennent, d'accord ? Alain Hazard, rédacteur en chef, voudrait parler. Oui, simplement, Julien, Ducati n'est plus tout à fait italien, puisqu'il a été racheté en 2012 par Audi, une marque allemande. Très bien, mais c'est quand même Andrea Buzzoni qui est toujours le président. C'est pas très allemand, Andrea Buzzoni, c'est un vrai italien, je pense. En parlant de Buzz, nous allons enchaîner, si vous le voulez bien, maintenant, d'autres cas. Gérard, vous inquiétez pas, hein, il y aura l'alerte dès que nous avons quelqu'un. Nous allons attaquer le cas... Moi, je voulais juste vous donner peut-être les coordonnées d'une personne que j'ai eue à maintes reprises. Donc, au 0156... Alors, attendez, on va le prendre en antenne. On va le prendre en antenne, on marque une pause, et puis voilà, bah, il nous sort un numéro du chapeau. C'est génial, ça, Gérard. On le prend en appel. À tout de suite sur RTL. Pour vos pneus, vous passez des heures à chercher les moins chers. Eh bien, Fred, non. Non, moi, je suis sûr d'avoir les moins chers. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Fred change ses pneus chez Noroto. Et être détendu avec son budget auto, c'est facile avec Noroto. Tous les pneus sont en permanence au prix les plus bas. Sinon, on vous rembourse la différence. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. Bon, prenons un élève de 3e et plongeons-le dans un nouveau collège. Sachant que la pression exercée dès septembre est proportionnelle à son examen de fin d'année, trouvez la bonne formule pour qu'il entame la rentrée sans trop stresser. Vous avez 20 secondes. Avec Acadomia, la réponse est facile. Votre enfant peut faire un stage de pré-rentrée dans un des 110 centres Acadomia en France auprès d'enseignants motivants et certifiés. Une semaine de cours adaptée pour reprendre le rythme en douceur. Renseignez-vous dès maintenant sur acadomia.fr au 0810 10 15 20, prix d'un appel local. Leclerc. Allô Philippe ? Oui mon amour. Mais t'es parti où avec ma voiture ? Chez l'Auto Leclerc, je te fais poser des pneus Goodyear. Ah bon ? Ah oui. En ce moment, jusqu'à 100 euros de remise en bon d'achat pour l'achat et la pose de 4 pneus Goodyear. Et comme on prend ta voiture pour partir en vacances, il me faut des bons pneus. À prix Leclerc. Du 22 juin au 16 juillet dans les centres L'Auto Leclerc, bénéficiez jusqu'à 100 euros en bon d'achat pour l'achat et la pose complète de 4 pneus Goodyear. Garantie crevaison 2 ans offerte. Voir conditions détaillées et liste des centres L'Auto Leclerc participants sur auto.leclerc. T'as de bons pneus là, tu sais. Embrasse-moi. Saviez-vous qu'il existe un moyen encore plus simple que la radio pour écouter votre radio préférée ? Avec RTL.fr ou l'appli RTL sur votre smartphone, vous n'avez plus besoin de connaître notre fréquence. Vous captez RTL parfaitement, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, partout en France et dans le monde. Vous continuez d'écouter RTL à Pékin par Internet, c'est bien ça ? RTL bouge, vous aussi. Alors retrouvons-nous sur RTL.fr ou sur l'appli RTL de votre smartphone. RTL, première radio de France. Gérard nous a donné un numéro il y a quelques instants, il nous l'a dit juste avant la pause. Donc nous faisons ce numéro, c'est parti. Germain, vous appelez maintenant, il le compose un numéro au siège où nous avons appelé tout à l'heure, je vous le rappelle. Et au siège, un répondeur a dit, toutes les lignes sont actuellement occupées, ou en tout cas, on ne peut pas vous répondre. Sachant que nous avons essayé d'avoir Monsieur Thierry Moutarde pour avancer dans ce dossier Ducati. Alors, est-ce que ça sonne maintenant? Ça serait une ligne directe que nous pourrions avoir au siège. Bonjour et bienvenue chez Ducati France. Nous ne pouvons pas traiter votre appel. Bien, donc vous avez vu que ça revient au standard général, donc ça sent le duplex. On va quand même essayer tout au long de l'émission, Gérard, ne vous inquiétez pas. Est-ce que, Maître Fellonneau, pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, un conseil juridique? Bon, alors dans ces cas-là, ça explose le tribunal de proximité, puisqu'on est bien au-dessus des 4000 euros. Là, il faut assigner quoi? Le vendeur, sous quel axe un avocat pourrait assigner? Alors, défaut de conseil, déjà. Et ou sinon, non-respect du contrat, puisque, à mon sens, il était bien précisé, une selle basse et non pas la selle d'origine qui n'est pas conforme aux besoins de notre ami. Michel est restaurateur. Michel nous a laissé ce message. Je suis restaurateur. Je suis passé par une entreprise pour la pose d'une percola que j'ai payée plus de 46 000 euros. Elle devait être étanche à l'eau. C'est d'ailleurs écrit. Dans la réalité, elle prend l'eau de toutes parts. J'ai perdu plus de 20 000 euros de couverts et l'entreprise ne trouve plus les solutions. La pergola du malheur pour ce restaurateur qui est en ligne avec nous. Michel, bonjour. Bonjour Julien. Alors Michel, vous avez appelé une entreprise pour l'achat et la pose d'une pergola. Dans cette pergola, vous deviez installer, je suppose, des tables avec des clients. Oui, 50 personnes. Pour justement augmenter votre chiffre d'affaires. Tout à fait. Et le devis s'élève à 46 000. Et il en faut quand même quelques repas pour les rentabiliser, ces 46 000. Hein, pour un restaurant. Dans le descriptif du produit, il est précisé que la pergola est étanche à l'eau et que les pieds sont pourvus de gouttières encastrées permettant un écoulement parfait. Quelques mois après la pose, vous constatez que la pergola a de gros soucis d'étanchéité, ce qui est très dérangeant pour vous, car vous ne pouvez pas y installer vos clients comme prévu. Donc la pergola ne sert strictement à rien pour votre restaurant. C'est exact. Et alors l'entreprise, vous la contactez, ils vont venir un nombre de fois incalculable, d'après ce que vous nous dites, mais sans jamais régler le problème. Non. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, le dernier dialogue que vous avez eu avec eux? C'est quoi? Parce que venir 20 fois et voir qu'ils le constatent qu'il y a des fuites. Alors, l'entreprise qui a fait ses travaux est tout à fait d'accord pour venir faire ce qu'il y a à faire, mais c'est le fournisseur qui ne bouge pas, qui fait l'autruche, qui ne veut pas réparer correctement la pergola. Mais depuis quand c'est le problème du fournisseur, Michel? Hein, Maître Fellonneau? C'est le problème de Michel, indirectement parlant, parce qu'effectivement, son vendeur lui dit, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il parle de poteaux intermédiaires, etc. Et il n'arrive pas à les obtenir. Alors, c'est sûr que notre ami pourrait dire, mais maintenant, basta, parce que c'est pas à moi d'avoir ce genre de relation avec le fournisseur. Alors, c'est simple, ou vous reprenez votre matériel et on se quitte bons amis, ou vous me le réparez définitivement, mais à vous de mettre cette solution-là en place. On appelle et le vendeur, et le constructeur, et on leur chantera, Bernard, si vous êtes d'accord, et tout le monde d'ailleurs, cette chanson que tout le monde connaît, La Pergola. C'est la vie que je mène avec toi. Vous avez choisi RTL, la première radio de France et l'émission la plus écoutée de France. Entre 9h30 et 11h, nous continuons de régler vos cas juste après les infos. What's the sense in sharing this one and only life? Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui. Plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'été. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL, il est 10h. Les infos sur RTL avec Olivia Leray. Bonjour Olivia. Bonjour Julien, bonjour à tous. Les opposants à la loi travail pourront donc défiler demain à Paris. La préfecture de police a donné son accord de principe pour une manifestation entre la place de la Bastille et la place d'Italie. C'est un trajet plus long que la semaine dernière qui doit encore être validé par la préfecture dans les heures qui viennent. Ce sera donc la 11e journée de mobilisation contre ce projet de loi. Demain, les sénateurs doivent voter leur version du texte modifié, plus libéral que le texte de base. Les investigations des juges d'instruction sont terminées dans l'enquête sur l'arbitrage qui a permis à Bernard Tapie de toucher 404 millions d'euros en 2008 pour régler son litige avec le Crédit Lyonnais. Les habitants de Loire-Atlantique devaient donc voter hier. Ils devaient dire s'ils voulaient d'un transfert d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et ils ont dit oui à 55%. François Hollande a d'ores et déjà promis que le résultat serait respecté. Les occupants illégaux du terrain devront partir d'ici le début des travaux à l'automne, dit Manuel Valls. Pour Ségolène Royal, les populations doivent être davantage consultées sur les décisions qui ont un impact sur l'environnement. La ministre de l'Environnement a annoncé sur RTL ce matin qu'elle prendrait des mesures prochainement. L'Espagne aussi votait hier pour sortir le pays du blocage politique. Eh bien, c'est pas gagné. Les nouvelles élections législatives n'ont pas permis de dégager une majorité claire. Les conservateurs au pouvoir l'emportent avec 32,7% des suffrages. En deuxième position, les socialistes perdent des points. Le parti Podemos est troisième. Réunion au sommet à Berlin, 5 jours après la victoire du Brexit. François Hollande rencontre ce soir Angela Merkel et Matteo Renzi avant un conseil européen consacré à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, prévient aujourd'hui que le Royaume-Uni ne doit activer l'article 50 pour quitter l'UE seulement au moment opportun. Il assure que l'économie britannique est prête à affronter les turbulences provoquées par la décision de quitter l'Union. Euro de football, ce soir on connaîtra l'adversaire des Bleus pour le quart de finale de dimanche. Soit l'Angleterre, soit l'Islande. Le match se joue à 21h à Nice. Autre huitième de finale, le choc Italie-Espagne à 18h au Stade de France. Lionel Messi et l'Argentine, c'est fini après le nouvel échec de son équipe en finale de la Copa América contre le Chili. Le quintuple Ballon d'Or arrête. En tout, il a disputé et perdu 3 finales de Copa América ainsi que celle de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Il avait fait ses premiers pas avec l'Argentine il y a près de 11 ans et cumulé 112 sélections. Enfin, en tennis, début du tournoi de Wimbledon, c'est le grand chelem sur gazon. Tradition oblige, Novak Djokovic, le tenant du titre, ouvre le tournoi aujourd'hui. La bourse de Paris se porte mieux ce matin. Légère baisse de 0,80% à l'ouverture à 4073 points. Les courses ont lieu à Auteuil. Les pronostics de Bernard Glass. Il vous conseille le 5, le 8, le 11, le 6, le 1, le 4, le 7 et le 10. La dernière minute de Bernard, c'est le 7. Le temps pour aujourd'hui, comme depuis quelques jours, très nuageux dans le nord et estival dans le sud. Des averses sont à prévoir du Poitou-Charentes au Nord-Pas-de-Calais. Quelques timides éclaircies sur les côtes de la Manche. Sur le sud-est, le temps sera très ensoleillé avec Mistral et Tramontane modérées. Les températures 17 à Cherbourg, 18 degrés à Troyes, 19 degrés à Brest, 21 à Paris, 22 à Strasbourg et à Toulouse, 25 à Nice, 26 à Lyon, 27 à Perpignan et 31 degrés du côté de Nîmes. Vous êtes sur RTL, il est 10h03. Tout de suite, ça peut vous arrivez avec vous, Julien Courbet. Merci les infos, à tout à l'heure 11h pour d'autres infos. Allez, le point. Depuis 9h30, il s'est passé pas mal de choses sur l'antenne d'RTL. La radio qui négocie pour vous, et vous le savez, toutes les négociations ont lieu sur l'antenne. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Oh, il y a la petite moto de Gérard. J'ai acheté une moto auprès d'un professionnel, je l'ai payé plus de 14 000 euros. Il était bien précisé que cette moto devait être adaptée à ma taille. Je mesure 1m65. Celle que j'ai reçue ne l'était pas, et la suivante non plus. Alors, nous avons appelé le magasin Ducati Strasbourg, qui se trouve très exactement à Soufflavoir-Wertheim, où M. Willem nous a dit, écoutez-moi, ça sera par lettre recommandée. On ne discute pas avec vous, ce qui est son droit le plus absolu, je respecte. Nous avons donc appelé Ducati France, qui serait passé sous le giron de la marque Volkswagen ou Audi, vous m'avez dit. Audi. Et bien que le président reste Andrea Buzzoni. Et là, du côté de chez Ducati France, ça ne répondait pas. Vous avez entendu deux fois le répondeur dire toutes les lignes sont occupées ou on ne peut pas traiter votre appel. Ça a l'air de changer, Hervé. Oui, je suis en contact avec le service comptabilité, mais malheureusement, la personne que j'ai en ligne a un petit souci avec son ordinateur qui mouline parce qu'il était en train de me donner le numéro du directeur général de Ducati France. Donc, est-ce qu'elle a la possibilité, alors évidemment, demandez-le très gentiment, oui. Peut-être d'aller voir l'assistante de la direction qui est peut-être l'étage au-dessus ou au-dessous en essayant de voir si on peut avancer. Alors écoutez, je lui pose la question. Allez, faites-le. Faites-le, il est en train de le faire avec sa grosse voix et j'espère avancer là-dessus. Deuxième cas, c'est un cas pour Michel qui est embêtant. Voilà un petit restaurant bien sympa. D'ailleurs, on a été aller voir, ça s'appelle Le Petit Bouchon. C'est 34 Faubourg de la Chipote à Rambervillers. Et il a un petit resto et il a voulu agrandir en mettant une petite pergola pour mettre des chaises pour qu'on puisse manger un peu limite en extérieur, mais couverte bien sûr. Et là, c'est le drame car la pergola prendrait l'eau et il n'arrive pas à régler régler le problème et ils disent à Michel, d'ailleurs écoutons ce qu'a dit Michel. Je suis restaurateur, je suis passé par une entreprise pour la pose d'une percola que j'ai payée plus de 46 000 euros. Elle devait être étanche à l'eau, c'est d'ailleurs écrit. Dans la réalité, elle prend l'eau de toutes parts. J'ai perdu plus de 20 000 euros de couverts et l'entreprise ne trouve plus les solutions. Alors, celui qui a vendu dit, nous, on a des problèmes, c'est avec le constructeur qui veut rien faire. Mais c'est pas le problème de Michel que le constructeur ne veuille rien faire. Donc, nous allons maintenant lancer les appels dans une seconde. Michel, je confirme bien que c'est le petit bouchon, votre restaurant. Tout à fait. Il y a bien un menu à 12,90 euros. C'est exact. C'est le prix du café en face d'RTL. Je vais venir vivre chez vous. Dans votre spécialité, ADF 88. Oui. Oui, bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil. Oui, bonjour. Alors, est-ce que monsieur Gavet est là? Non, il n'est pas là, monsieur. Alors, peut-être pouvez-vous me passer quelqu'un chez ADF 88. Je suis avec le restaurateur Michel Zorzi, le petit bouchon à qui vous avez vendu une pergola qui prend l'eau et le pauvre, il devait mettre des clients dedans. C'est pour ça qu'il avait investi autant. Et apparemment, on ne trouve pas la solution. D'accord. Vous pouvez joindre quelqu'un ? Non, je suis seul, monsieur. Ah, et à partir de quand vous pourrez joindre quelqu'un s'il y a un problème comme ça ? Ben écoutez, il faut qu'on puisse vous rappeler. D'accord. Bon, de toute façon, Michel, ils sont venus combien de fois, nos amis de ADF 88, ben, monsieur Stoller ? Ils sont venus une quarantaine de fois déjà. D'accord, et ils n'ont pas trouvé. Bon, vous là, pour l'instant, madame, il n'y a personne. Non, je suis toute seule, monsieur. Bon, ben c'est pas grave, on appelle le siège, on va essayer de passer à la vitesse supérieure. Je vous remercie, madame. De rien, monsieur. Bon, alors, nous avons appelé la ADF 88, monsieur Storr, Robert Gavet. Il n'y a personne, il n'y a que cette dame qui ne peut rien pour nous. Donc, nous faisons comme tout le monde, nous le passons siège. À l'étage au-dessus. Monsieur Storr, le siège à Veurey-Voroise, zone d'activité Actipol. Et normalement, ça devrait sonner... D'une seconde à l'autre, Germain me fait signe. J'arrive pour l'alerte, j'arrive. Gardez là au chaud l'alerte. Je vois juste le siège de Monsieur Storr. Pour le cas de Michel. Allô ? Oui, groupement Monsieur Storr, Françoise Puteau, bonjour. Bonjour Françoise Puteau, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes sur la radio RTL, madame. Je vous appelle car j'ai un client à vous qui a un petit restaurant qui s'est fait poser une pergola qui prend l'eau. L'entreprise locale s'est déplacée une trentaine de fois. Il n'arrive pas à régler le problème. Et lui, aujourd'hui, il a investi 46 000 euros pour avoir des couverts en plus qu'il ne peut pas servir. C'est un peu la cata pour lui. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que là, on a appelé Monsieur Storr à Épinal et personne n'est là. Est-ce que vous pouvez me passer quelqu'un, s'il vous plaît ? Alors écoutez, je suis désolée, mais notre directeur général est absent. Il est en déplacement, il sera là demain. Donc personne ne peut rien pour ce monsieur ? Donc je n'ai pas dit que personne ne pouvait rien pour ce monsieur. À ce moment-là, nous allons prendre ses coordonnées nous engager à lui répondre. Je vous explique. Le problème dans les plus brefs délais. D'accord, parce que je vous explique. Déjà, le problème date depuis quand, Michel ? Depuis. Non, mais je suis désolée, je vous ai dit que je pouvais vous passer personne. Mais madame, je vous explique pour que vous puissiez expliquer. C'est pour pas que vous disiez n'importe quoi au directeur, comme ça, en vous expliquant ce qui se passe, vous allez pouvoir lui dire ce qui se passe, parce que là, vous lui auriez dit quoi ? Alors, c'est parfait, par contre, je n'ai pas l'habitude de dire n'importe quoi, donc je vous... Non, mais vous auriez dit quoi au directeur, madame, tout à l'heure, quand vous allez le voir ? Alors, je vous écoute. Non, mais de quel restaurant s'agit-il, madame ? Puisque vous dites... vous voulez pas que je vous parle ? Vous voulez même pas connaître le nom du restaurant ? Excusez-moi, je voulais simplement que vous nous donniez ses coordonnées. J'étais en train de vous expliquer juste que vous sachiez que vous puissiez expliquer au directeur donc de Monsieur Storr que Michel a acheté en 2014 une pergola, que depuis 2014, elle prend l'eau, que Monsieur Storr, Épinal, est venu combien de fois, Michel ? Une quarantaine de fois. Une quarantaine de fois, il n'arrive toujours... 40 fois, madame, il n'arrive toujours... Voilà. 2014, donc oui. Plusieurs fois par mois, effectivement. Effectivement, il n'arrive pas à régler le problème. Et aujourd'hui, on lui dit, écoutez, nous, on ne sait pas faire, mais comme le constructeur Bruce Storr, parce que vous devez travailler avec Bruce Storr, je suppose, ne veut rien faire, ben monsieur, tant que Bruce Storr ne fera rien, on fera rien. Voilà où on en est. Alors, écoutez, vous allez donc... Il s'appelle Michel, donc si on peut avoir... Michel Zorzi, la SCI, le petit bouchon, à Rambervillers. Vous pouvez m'épeler l'orthographe du nom de ce monsieur. Je vous passe tout ça en antenne. Bernard, c'est vous récupérez. Parfait. Alors, vous nous dites, Michel, vous, que Bruce Storr ne peut rien faire ou dit ne vouloir rien faire. Ah, ben, ils sont venus une fois, ils ont changé les lames, c'était encore pire après. Bien, alors on va les monsieur appeler... Monsieur Gavet, plein de bonne volonté, il veut bien faire ce qu'il y a à faire, mais il n'a pas les moyens de faire. Mais... D'accord, bon, on va voir si le siège de Monsieur Storr, parce qu'à payer 50 000 euros, enfin 46 000 euros pour une pergola et ne pas pouvoir s'en servir parce qu'elle prend l'eau et que personne ne puisse rien faire, Maître Fellonneau intervient dans une seconde et on appelle la Belgique pour parler à Bruce Storr, puisque Bruce Storr, ça doit être Bruxelles, et Storr, mais Storr et Véranda, visiblement, c'est la même activité. Vous écoutez Julien Courbet sur RTL. J'en profite également pour vous dire qu'à l'occasion de la tournée Folio sur mer, les éditions Folio et RTL offrent à tous les auditeurs intervenant à l'antenne une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-lecite.fr. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Si certains n'aiment pas mélanger vie professionnelle et vie privée, d'autres fusionnent et travaillent avec leurs parents, frères, sœurs ou enfants. Pour le meilleur ou pour le pire. Une affaire de famille, c'est cet après-midi dès 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Euro 6 est à partir de 7 990 € hors taxes. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,6 € incluant 4 360 € de remise et 1 500 € de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voire Renault.fr. Chérie, mes valises sont prêtes. Tes valises? Mais on part qu'un week-end. Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grande marque au meilleur prix livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Le 9h30, 11h sur RTL. Bon, alors, pour Michel, la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, c'est une grande enseigne. C'est l'enseigne de Monsieur Store, et je tiens à le dire, à chaque fois que nous avons eu, comme ils ont énormément de clients, eh bien, c'est plus souvent sur Oxatom que sur d'autres, comme on le fait avec AXA. AXA est le premier assureur de France, donc la probabilité pour que quand il y a un problème d'assurance, ça soit AXA, c'est normal. Mais, il faut le dire, parce qu'il faut être objectif, à chaque fois, jusqu'à présent, que nous avons appelé Monsieur Store, ils ont réglé le problème, et le patron a mis un point d'honneur à montrer que sa marque ne laisserait jamais un client insatisfait. Donc on attend qu'il revienne vers nous, on espère que ça soit aujourd'hui, mais j'en doute, ça risque d'être un petit peu plus long. À côté de ça, nous avons eu une alerte avec vous, Hervé Pouchol. Oui, concernant Gérard qui s'est payé une jolie moto, mais il ne peut pas la piloter car elle n'est pas adaptée à sa taille. On a appelé le concessionnaire à Strasbourg, bah là on n'a pas vraiment avancé, donc il vaut mieux s'adresser au bon Dieu. Là, nous avons le directeur général de Ducati France qui découvre le dossier et qui veut bien nous dire un petit plaisir. C'est monsieur Thierry Moutarde. Bonjour monsieur Moutarde, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Comme nous l'avons dit déjà tout à l'heure, monsieur Moutarde, il y a très longtemps, on avait eu un cas Ducati qui a été réglé très rapidement parce que vous êtes des pros, mais là il y en a un où on a besoin de vous. Est-ce que vous m'entendez monsieur Moutarde? Je vous entends. Oui. Alors, bonjour à tous. Alors, nos auditeurs le connaissent, je vais peut-être pas vous le résumer, il y a eu un petit problème à mon avis de défaut de conseil pour un monsieur qui mesure 1m65 et qui a commandé une moto, et quand il l'a commandé, qu'il l'ait monté dessus dans le magasin, il a dit attention, il me faudra une selle basse, sinon je ne pourrai pas en faire. Donc on lui a vendu la moto plus une selle basse. Mais quand la moto arrive avec la selle basse, c'est la même hauteur. Donc il dit, je ne peux pas m'en servir. Et là on lui dit, alors on va vous en vendre une autre, mais cette fois-ci, il faut rajouter 900 €, et ça il ne peut pas. Donc soit on annule tout, soit on lui trouve une solution, mais il faut que ça bouge, et j'ai l'impression que, après la communication, vous savez comment ça se passe quand un client est énervé, etc., la communication bloque un peu. Non, permettez-moi de rectifier quelque chose. Ah, pardon, j'ai dit le client a accepté de rallonger les 900 € pour avoir enfin un moto adapté à sa petite taille. Mais elle n'est toujours pas. Mais elle n'est toujours pas, malheureusement. Il est désespéré, donc. Voilà. Et là, on s'est dit, on va appeler nos amis de Ducati France pour qu'ils nous aident à régler ce problème. Et donc ok, je prends note de la chose. Donc le dossier n'est pas arrivé sur mon bureau. Ça veut dire qu'il est en train d'être géré par l'équipe technique, en l'occurrence chez Ducati West Europe, non pas Ducati France. Donc je vais voir ce qu'il en est, mais si ce n'est qu'une hauteur de selle, je pense que ça pourra se résoudre très oui, facilement. Oui, surtout qu'il a accepté de payer de 900 € de plus. Non. Ouais. Donc y a-t-il autre chose derrière? Je suis mis devant le fait accompli. Alors, mais rassurez-vous. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous saurons nous en occuper. Quand vous dites que vous êtes mis devant le fait accompli, c'est juste je vous alerte de manière à ce que vous puissiez faire votre travail. Bien sûr. Alors, Gérard, qui était votre interlocuteur à Ducati France ou West Europe? Alors, moi, j'avais le directeur technique, monsieur Xavier Labranche, qui connaît très, très bien le dossier. D'accord. On a communiqué très, très souvent ensemble. C'est une personne fort sympathique. Et tout le monde est sympathique chez Ducati. Et comme ça, ce monsieur va pouvoir vous en dire plus. Bon, écoutez, donc, je vais recevoir Xavier Labranche, effectivement, mon directeur technique, pour qu'il m'explique plus en détail le souci qui, je l'espère, de souci se transformera en solution. Mais bien sûr. Bien sûr. Bon, Gérard, vous laissez quelques jours à ce monsieur pour trouver une solution et on se reparle. Et vous me tenez au courant, on se rappelle sur l'antenne d'RTL. Voilà, d'ici quelques jours, le temps qu'il ait eu le temps de récolter les informations. Hervé, on revient. C'est parfait. En attendant, je remercie toute l'équipe de RTL. Hein. Oui, après, puis on remercie aussi Ducati, ce directeur qui nous prend à l'antenne à chaque fois qu'on l'appelle. Encore une fois, il fait partie de la liste de ceux qui ne se dégonflent pas et qui veulent toujours trouver une solution pour leurs clients. C'était le directeur général, M. Moutarde, que j'ai appelé sur son portable et qui a eu la gentillesse de nous répondre. Bravo, M. Moutarde. Une alerte, Bernard. Oui, Julien, on revient sur le cas de Michel. J'ai M. Gavet en ligne, de ADF. Oui, je viens de l'avoir sur le portable. Je le prends dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Soyez tous là. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français savourent enfin un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août. Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. Carrefour Market fête ses clients. J'adore votre fête, ça réveille en fanfare. Vous me proposez quoi aujourd'hui? Le meilleur des réveils, Michel. Market fête ses clients avec une sélection de prix choc. Par exemple, jusqu'au 3 juillet, la cafetière à dosette Tassimo, prête en un clic, est à seulement 29,90€. Oh, ça me plaît, c'est une cafetière à dosette. Une offre comme ça, c'est à saisir rapido. Alors servez-moi illico. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Multiboisson, tasse 2002. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Alors, il y a eu une alerte il y a quelques instants sur le premier cas. Le cas donc... non, c'est pas le premier cas, c'est le cas de la véranda de la pergola. Pas la véranda, la pergola achetée par ce restaurateur qui prend l'eau apparemment. Et M. Gavet de M. Store Épinal serait en ligne. M. Gavet, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Julien Courbet, nous sommes sur la radio RTL, M. Gavet. Oui, monsieur Gavet, on essaie d'aider Michel Zorzi du Petit Bouchon. Oui. Alors, il nous a dit que vous faisiez tout pour essayer de résoudre son problème, puisqu'il nous a dit que vous êtes venu près d'une quarantaine de fois. Oh, peut-être pas, mais pas loin, oui. Bon, alors, aujourd'hui, si vous voulez, moi je comprends que vous vous battiez, c'est bien, vous êtes un pro, mais il ne peut pas payer 46 000 € et avoir une pergola qui prend l'eau. Alors, est-ce qu'il en rajoute ou est-ce qu'elle prend vraiment l'eau? Ah, elle prend... Écoutez, on a fait des interventions très récemment, hein. Donc, est-ce qu'elle prend l'eau ou pas, monsieur? Est-ce qu'il y a des fuites? Elle prend un peu l'eau. Il y a des fuites. Monsieur, vous comprenez, et vous le savez, encore une fois, vous êtes un pro, monsieur, je le redis. Mais un client qui paie 46 000 € en 2014 et qui n'a toujours pas une pergola parfaite, ce n'est pas normal. Donc, il faut trouver une solution. Comment se fait-il? Peut-être qu'elle a été mal montée, qu'il faut la démonter, en mettre une autre, ou je sais pas, mais il faut trouver une solution. Quelle est la vôtre? Bah, écoutez, pour le moment, moi, j'essaie de faire des reprises avec le produit qu'on m'a livré. Et puis, quand vous dites que M. Zorzi, il a payé 46 000, il nous doit encore 10 000 €. Hein. Oui, mais enfin, vous voudriez pas avoir l'intégralité alors que ce que vous livrez ne marche pas, monsieur. Ça, vous le comprenez aussi. Bon. Alors, il a payé 36 000. Non, il a payé, il a investi 46 000. Donc, il n'a donné que 36 000. Donc, vous, aujourd'hui, monsieur, vous nous dites, soyons clairs, on n'est pas là pour faire de longues phrases, on est là pour être efficace et que tout le monde s'en sorte bien. Ce que vous me dites aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas la solution puisque ce que Brustor vous envoie, qui est votre fournisseur belge, apparemment, ne vous permet pas de réparer. Eh ben, jusqu'à présent, on a fait tout ce qu'on a fait, on l'a fait plutôt par nous-mêmes que... Donc aujourd'hui, monsieur, encore une fois, je vous repose la question. Là, qu'est-ce qu'on peut dire ce matin? Que vous n'y arrivez pas, on est d'accord? Oh, il faut pas dire ça. Alors on dit quoi, puisqu'il est en train de m'appeler en disant qu'il a de l'eau? Oui, s'il vous plaît. On est intervenu lundi. On a refait des étanchéités de chez nous pour la 10e fois. Bon. On a des problèmes sur les lames qui sont plus un problème de conception. Donc on essaie de faire le maximum pour arranger ça. J'ai eu M. Zorzi hier au téléphone, je lui ai dit que j'avais encore une autre solution, Mais il y a un moment donné où moi je sais plus quoi faire. Soit non, mais, qu'il faut mais monsieur, c'est... rembourser monsieur Zorli. Mais je voilà. crois, je crois qu'à un moment donné, c'est peut-être vers ça qu'il va falloir. Ça doit marcher. Je sais que vous êtes plein de bonne volonté. Même pour vous, ça doit être terrible parce que pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas vous occuper des autres clients, vous ne pouvez pas faire votre métier. On ne peut pas venir 40 fois. C'est donc il y a un vrai problème qu'on ne pourra pas résoudre. Donc il faut maintenant. Alors c'est votre siège qui prend la décision. Bah le siège, c'est pas. Vous le siège, êtes quoi, franchisé? Non, je suis une entreprise indépendante. Oui, c'est ça. Donc vous êtes indépendant. Donc monsieur, dans ces cas-là, faites jouer votre assurance, attaquez Brewster, faites ce qu'il faut, mais vous pouvez pas laisser le client comme ça. Je sais bien, je m'en occupe suffisamment, je peux vous le dire. Oui, mais pas assez, puisque aujourd'hui on ne trouve plus la solution. Donc qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion, vous? Ben, on ne trouve plus la solution. Je suis pas certain, puisque Brewster a relivré une toiture complète en fin d'année 2015. Il s'est avéré que cette nouvelle toiture complète présentait d'autres défauts qu'on essaie de résoudre mettez-vous par nos propres moyens. Mettez-vous à la place du client, enfin, vous vous rendez compte, il n'en a jamais profité. Enfin, ça ne marche jamais, il faut bien trouver une solution, monsieur. Alors vous me dites, Brewster me livre des trucs qui ne marchent pas et tout, mais ce n'est pas possible, on en est à près de 40 interventions. Moi, il y a un moment donné où si le produit qu'on m'a livré, il est impossible qui donne satisfaction à notre client, bah peut-être qu'il faut qu'il nous emmène au tribunal. Pour le moment, il m'a pas payé, donc il peut pas me mettre au tribunal. Voilà. En tout cas, je vais vous dire, monsieur, quand on écoute la radio là et qu'on a l'intention d'acheter une pergola ou une véranda, on n'est pas comme ça pris d'un mouvement. On a pas envie d'aller chez moi, c'est ça que vous voulez dire. Écoutez-moi, monsieur, je suis désolé, ça vous fait rire, mais moi, je trouve que là on a un pigeon, hein, le pauvre, il a payé. Vous dites, et en plus, vous faites de l'humour en disant qu'il n'a pas payé l'intégralité, alors que vous avouez que vous-même, vous livrer. Je ne fais pas d'humour. Mais si, vous dites qu'il ne peut pas m'attaquer. Quand quelqu'un dit qu'il a payé 46 000, non, il n'a pas encore payé. Non, le devis, je me suis trompé, ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est moi. Le devis s'élève à 46 000 et il a payé 36 000. Et vous vous dites qu'il reste à payer combien? Il reste 10 000 euros. 6 000, il nous dit, lui, Michel. C'est ça, c'est 6 000 ou 10 000? Ça doit être hors taxe, il me semble. D'accord, bon, enfin, peu importe. D'accord, donc il vous doit encore 6 000 et on est d'accord pour dire que la pergola de Monsieur Store à Épinal n'a jamais marché, que vous n'avez pas la solution aujourd'hui après 40 interventions. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Pas tout à fait, Quand est-ce qu'elle marchera? Quand est-ce que j'emmène une caméra et que je filme qu'elle est, qu'il n'y a pas une seule goutte? Quand? Quel jour? Ben, permettez-moi de contacter mon fournisseur. Les choses en main. Voilà. Alors, monsieur, si vous permettez, Maître Fellono, je suis l'avocat de l'émission, je ne suis pas l'avocat de votre client, donc vraiment, moi j'ai un conseil à vous donner pour tous les deux. Vous voulez appeler votre fournisseur, écoutez, il a des bras cassés sur ce dossier-là. Donc, ce qu'il faut en tirer comme conclusion, c'est qu'il faut faire un référé expertise pour qu'il y ait un expert judiciaire qui vienne constater ce qui se passe. Et à ce moment-là, effectivement, soit il y a une solution de mise en œuvre rapidement, soit il n'y en a pas, et à ce moment-là, ce sera la résiliation du marché. Et vous ferez un appel en garantie contre votre fournisseur, mais notre auditeur, lui, eh bien, il aura le remboursement de votre part. Il faut donc commencer par faire un constat objectif, et moi je pense que ce sera un constat judiciaire, vu l'incurie de votre fournisseur. On a quand même appelé le siège, on essaie d'avoir là le grand patron de Monsieur Store qui va nous dire ce qu'il peut faire, parce qu'encore une fois, moi je suis le premier à dire, rentrez dans les magasins X, Y, quand ils sont connus, ils vous trouveront toujours une solution, mais là il n'y a pas la solution, et c'est pas normal que ce monsieur n'ait rien au bout de toutes ces années. Alors, vous revenez évidemment parce que vous êtes un pro, mais vous n'avez pas la solution. Oui. Monsieur Courbet, s'il vous plaît, je vous assure que c'est quelque chose qui prend énormément de temps dans mon entreprise, que jusqu'à présent, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Mais vous n'y arrivez pas. Pour trouver une solution, et je n'y arrive pas. Voilà. Et donc, le problème, c'est que la seule conclusion que vous tirez de tout ça, c'est qu'il m'emmène au tribunal. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on rentre chez vous et que vous n'arrivez pas malgré votre bonne volonté, il faut aller au tribunal. C'est ça qui est fou, monsieur. Vous voyez, Maître Fellono vient de dire elle-même qu'à un moment donné, il faut passer par la voie judiciaire. Mais vous n'avez pas besoin de votre client pour le faire. Moi, vous auriez dû vous assigner déjà en disant vous m'empêchez, cher fournisseur, de faire mon travail. Ça nuit à ma réputation. J'ai un client qui perd du chiffre d'affaires entre temps. Est-ce que vous avez assigné Brustor, monsieur? Non, mais voilà. C'est tout. Je dois avoir une 75 mail bien détaillée de ce qui se passe. De toute façon, là, on parle pour ne rien dire. Voyons ce que le siège va faire et on verra après si la justice s'en occupe. Mais aujourd'hui, avec cette, malheureusement, avec cette pergola et ce fournisseur Brustor et cette pergola, monsieur Store, on n'arrive pas et monsieur l'avoue humblement, bien qu'il se démène, qu'il essaie tout, il n'a pas les solutions techniques, il n'y arrive pas. Et aujourd'hui, il y a Michel qui est là sous sa véranda avec de l'humidité. On marque une pause dans une seconde. Bernard Sabat, merci monsieur, en tout cas, de nous avoir parlé, monsieur Gaillet. C'est toujours mieux d'avoir un contradicteur que quelqu'un qui ne dit rien. Et au moins, on a eu votre explication. On a eu le siège de monsieur Store et je vous rappelle qu'on a rendez-vous avec le directeur général demain. Oui, tout à fait. À tout de suite sur RTL. Avec l'appli Sarenza, nos clients peuvent craquer sur nos chaussures soldées jusqu'à moins 60% partout. J'ai choisi des sandales scandaleusement hautes en pleine réunion de parents d'élèves. J'ai fait une orgie de nu-pieds jaunac dans un ascenseur. Je me suis fait 3 paires d'escarpins sur un cheval au galop. Et toi? Allez. Moi, vous voulez vraiment savoir? Ah oui. Je vais vous le dire, mais hors antenne. Jingle, s'il vous plaît. Sarenza.com. Avec l'appli Sarenza, sensation solde garantie. Carrefour. Maman, regarde, c'est l'opération au top de ma beauté chez Carrefour. Il y a plein de promos. Oui, j'ai vu ça, il y en a tellement que j'arrive pas à me décider. Ben, moi, je te conseillerais de prendre le gel douche Sanex. En plus, dès demain et jusqu'au 11 juillet, il y a 40% de remise immédiate dessus. Ah, j'aime bien quand tu prends soin de moi et de mon budget. Dès demain et jusqu'au 11 juillet dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, c'est l'opération au top de ma beauté. Profitez par exemple de 40% de remise immédiate sur le gel douche Sanex. 2 x 750 ml. Carrefour. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Merci d'être avec nous sur RTL. Je vous rappelle le retour de l'émission Faut pas abuser, hein, vous savez, où on règle vos problèmes à la télévision. Je sais que vous adorez ça, avec des stars qui seront là. Vous allez voir, il y a vraiment des gens extraordinaires qui ont joué le jeu, qui ont téléphoné pour négocier. Faut pas abuser, c'est sur D8 très prochainement. Début juillet, c'est le 12 juillet. Ne manquez pas ce prime time où on défend les gens en téléphonant et en s'amusant. Là, on va reprendre notre cas de Véranda, mais là, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, il est grand temps quand même de se demander où il est passé, parce qu'on le cherche. Le bonheur, il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants. Et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Le bonheur, Crie pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est où le bonheur sur RTL? Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et nous allons revenir une nouvelle fois sur cette histoire de pergola. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point... On n'est pas là pour embêter les gens. On est là pour arranger des situations. Mais il y a des fois où on est obligé de s'énerver parce que ce n'est pas normal qu'un petit restaurateur... Vous irez voir son restaurant sur Internet. C'est un petit restaurant. Voilà, il a dû économiser, emprunter pour se dire comment je pourrais développer un peu mon affaire. Je vais m'acheter une pergola pour pouvoir mettre 40 clients de plus. Il a dépensé donc 36 000 sur un devis de 46 000 et depuis 2014 ça prend l'eau, donc il ne met plus de clients à l'intérieur et on appelle le professionnel qui dit je n'y arrive pas, et c'est tout à son honneur de dire ça, et on peut croire qu'il n'y arrive pas puisque le fournisseur, celui qui donne les pièces détachées, ne lui fournit pas les bonnes. Mais il arrive un moment donné où il faut savoir prendre ses responsabilités. Soit il attaque le fournisseur, soit il le rembourse. Or là, il se passe rien, il vient, et ça fait 40 fois qu'il vient, et c'est de la folie de traiter quelque chose comme ça. Je suis parfaitement d'accord. Alors, l'intérêt de saisir le siège de cette marque, effectivement, ces revendeurs sont tous des sociétés indépendantes, mais il n'empêche que si c'est lui qui préconise de passer des commandes auprès de ce fournisseur belge, à ce moment-là, lui, il peut intervenir parce qu'il représente je ne sais pas combien de revendeurs en disant « Toi, je te préviens, si tu règles pas ce dossier, on n'arrête plus de... On ne te commande plus de véranda. » Aussi dans cette émission, parce qu'on va l'entendre, on va nous dire ce monsieur est indépendant. Alors, dans ces cas-là, si c'est des indépendants, ne mettons pas de grandes enseignes nationales. Oui. Parce que quand vous rentrez chez un Franck Provost, chez un De Sange, chez un... Selectourafat, chez un... Là, celui qu'on a... Monsieur Store, c'est parce que vous dites « Waouh !» C'est des gens qui ont une vraie puissance. Donc, je sais que j'aurai pas de soucis. Et si après, on vous dit bah, « Nous, on n'a rien à voir, faut pas faire d'enseigne générale. » Mais c'est pas ce qu'ils nous ont dit. Hein. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous rappeler. Là, nous allons partir à Bruxelles, puisqu'apparemment, notre ami de Monsieur Store à Épinal nous dit « J'y arrive pas avec mon fournisseur, il n'arrive pas à me livrer les bonnes pièces, donc c'est parti. » Si j'étais celui de la pergola qui prend l'eau partout, j'appelle donc Brustor, car c'est à Brustor, c'est à Bruxelles que ça se passe. On y va, on appelle Brustor, qui est à Bruxelles, c'est un fournisseur belge. C'était pour faire des airs qu'on a entendu. Oui. Dans la version, il y a la version Bruxelles, mais ils ont sorti une autre version. Ah non, ça va pas aller, ça. Ah, ça va pas le faire. Quoi, enflure? Elle m'a dit enflure, vous avez entendu? Elle m'a traité d'enflure. J'ai bien entendu. Remettez depuis le début. Je veux être sûr que le mot enflure a été prononcé. Non, mais ceci étant dit, on va être bien embêté. On va essayer de les rappeler un peu plus tard. Welkom bij Brustor. Wij zijn elke voormiddag te bereiken van 8:30 tot 12 uur. En de naam. Vous l'avez dit. Deux fois dans Flux. Bon, là, on ne peut pas les joindre au moment où nous faisons l'émission. Ne vous inquiétez pas, Michel. On a lancé tout ce que nous pouvions lancer. Donc, vous ne faites rien pour l'instant. Peut-être une petite lettre recommandée, mais ça ne sert à rien de la faire cet après-midi, puisque le siège a été contacté et nous aurons du nouveau demain. Il faut me faire confiance, Michel, on va avancer comme ça. Okay. On va vous accompagner main dans la main. Sarah vous appelle cet après-midi. Je vous remercie. Faites-nous confiance. Merci à Monsieur Store, en tout cas, au siège, oui, de nous rappeler et de nous dire ce qu'on fait quand on est un bon client, qu'on a choisi d'entrer dans un magasin, justement Monsieur Store, plutôt qu'entrer chez le concurrent. Comment on traite le client qui a payé, pas tout, mais je comprends qu'il n'ait pas tout payé, et qui n'arrive pas à avoir ce qu'il a acheté, quelque chose de confort. Dites-moi la vérité, il n'y a pas de client donc là dans la pergola? Maintenant, je ne peux pas en mettre qu'il y a de l'eau. Mais il y a vraiment quoi? Il y a un petit filet d'eau par terre ou ça coule, ça goûte sur les clients? Là, je ne peux pas mettre de monde dans la pergola, ça goûte sur les clients. Mais justement, vous dites, qu'est-ce que vous voulez, une carafe d'eau? Bougez pas, vous la posez sur la table, elle va se remplir toute seule. Ouais. Dès qu'elle est là un peu à droite. En tout cas, prenez des photos. Hein. Ah oui, beaucoup de photos. Il y en a beaucoup, j'en ai beaucoup des photos. Ah, est-ce beaucoup. Que vous m'enverriez un petit film? Si vous voulez. Au portable, parce que ça, c'est intéressant qu'on puisse le mettre sur Facebook, d'accord? D'accord, pas allez. Problème. Le petit bouchon, ça s'appelle, on pourrait le changer, les pieds dans l'eau, ça va s'appeler dans son restaurant. Non, non. On va lui vous faire de la pub. Vous pourrez venir manger de la tête de veau, si vous alors, voulez. Alors, la spécialité du petit bouchon, allez-y, vous serez pas dans la pergola, mais il a une très belle salle, j'en suis sûr. C'est un super resto, le petit bouchon, qui est à Rambervilliers, dans le 88, 34 Faubourg de la Chipote. Alors, qu'est-ce qu'on y mange? Tête de veau. Mais pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Ça change tous les jours, c'est des produits frais. Génial. Vous servez un peu de Bordeaux? Pas de problème. Bon, parfait. Hein, une petite entrée, conseillez-moi une petite entrée. On a des escargots de Bourgogne, aujourd'hui on a du pâté lorrain. Oula, escargots de Bourgogne, tête de veau, un petit Bordeaux. Oui. Cet après-midi, vous ne comptez pas sur moi au bureau, parce que la pergola, en fait, vous devriez mettre des rocking chairs pour que les gens puissent après se mettre comme ça, en train de digérer et de s'allonger. Bon, et pour terminer, un baba au rhum. Pas de problème. Vous faites le baba au rhum? On fait le baba au rhum, oui. Alors, attention pour Hervé Pouchol, allez-y mollo sur le baba. Hein, On met le baba et on met la bouteille de rhum sur la table. Voilà, c'est très bien. Pour Hervé Pouchol, quand il viendra, vous n'allez même pas mettre le baba sur la table. Ça ne l'intéresse pas du tout. Merci beaucoup, Michel. On vous tient au courant. Merci, Julien. À bientôt. À bientôt. Bonjour, c'est Stéphane Carpentier. 4h30, 7h, RTL Matin. Tout savoir sur l'actualité, mieux comprendre les débats qui animent le pays, découvrir les tendances qui vont changer notre quotidien. Je vous retrouve tous les jours dès 4h30 avec la fine équipe et Marina pour les petits matins de RTL. Un seul mot d'ordre, la bonne humeur, grâce notamment à notre bloc-notes quotidien pour bien démarrer la journée. Quel faillot, ça, Cyprien. Il est gourmand, il a raison. Rendez-vous demain de 4h30 à 7h. Sur RTL. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Euro 6 est à partir de 7 990 € hors taxes. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,06 € incluant 4 360 € de remise et 1 500 € de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voire Renault.fr. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 43 ans. Il y a 3 mois, mon médecin m'a dit que ce serait bien pour ma santé que je perde une dizaine de kilos. Ça m'a fait un choc. Et alors? Et alors rien, j'ai pas fait comme j'aime, j'ai toujours mes 10 kilos de trop. Valérie, il n'est pas trop tard. Commencez comme j'aime aujourd'hui et vous aurez perdu vos 10 kilos dans 3 mois. Aujourd'hui, il y a une offre vraiment exceptionnelle. Un mois gratuit. Oui, un mois gratuit en téléphonant au 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Nous sommes super contents à chaque fois que nous réglons vos problèmes, mesdames et messieurs, et en voilà un de plus. On doit être à 20 000, on ne les compte pas, mais tant mieux. Et plus il y en aura, plus on sera heureux. Mais moi, je fêterai d'ailleurs toutes ces bonnes nouvelles sur scène, en m'éclatant avec ceux qui viennent me voir au One Man Show. C'est le 27 juillet, c'est l'avant-dernier. Ça sera à Plan de la Tour, Golfe de Saint-Tropez, Plan de la Tour le 27 juillet, théâtre en plein air. On va vous faire un One Man Show de folie. Mais là, on célèbre la victoire, on célèbre la joie de l'auditeur avec Chic, le Freak. Freak out. Le freak, c'est chic. Freak out. Freak out. Le freak, c'est chic. Freak out. Have you heard about the new dance craze? Listen to us, I'm sure you'll be amazed. Big fun to be had by everyone. You chic, le freak sur RTL. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Avec, bien sûr, les cas qui se suivent. Vous voyez, tout à l'heure, on sait que pour la véranda, on aura du nouveau demain, donc Sarah va s'en occuper et nous donnera des nouvelles demain, après-demain, etc. Et là, il y a d'autres cas qui sont en suspens. Par exemple, Jean-Michel, il est passé il y a quelques jours. Réécoutons le message de Jean-Michel. Je vous appelle pour notre presbytère. On a commandé 3 clés supplémentaires qu'on a payées 738 euros. Depuis décembre, on attend toujours ces 3 clés. Ah oui, ça c'était une histoire de fou. Alors elle nous touchait particulièrement en plus parce que c'était pour un presbytère. Vous savez, dans une église, on compte les sous. On est obligé de faire appel aux dons pour que déjà le curé puisse se nourrir, vivre décemment, retaper l'église, etc. Et là, le pauvre, il avait fait faire des clés. Et alors, si je me rappelle bien, il avait demandé 3 clés pour 2 prêtres et 3 séminaristes pour un montant de 728 euros. Et le verrou est installé et il manque les 3 clés supplémentaires. Et malgré tous les appels, il n'arrivait pas à avoir les clés alors qu'il avait payé 728 euros. On a appelé plein de fois la société Service Aquitain. On nous raccrochait, en tout cas, on n'arrivait pas à parler, Sarah. Oui, Julien, et vous n'allez pas être content, Jean-Michel, non plus. Et moi non plus, finalement. J'ai réussi à avoir le gérant de la société. Ça ne s'est pas très bien passé. Il m'a expliqué que pour lui, les 3 clés devaient être payées en supplément. Alors, j'ai ressorti le devis. On a longuement parlé. On s'est un peu pris le bec. J'ai écouté les conseils de Maître Pelouneau. En fait, ils se sont trompés sur le devis, c'est ça ou quoi ? Non, ils ont fait une affaire commerciale. C'est un argument de vente et ils ne respectent pas leur argument de vente. À voilà. partir du moment où les 3 clés figurent sur le devis, c'est incroyable. Et voilà, il n'est pas question de payer un supplément. On va faire un traitement particulier pour eux. Dites-moi. Non, j'ai une triste conclusion. Malheureusement, ça s'est un petit peu calmé. Nous nous sommes rappelés et il m'a annoncé en fait simplement qu'il déposait le bilan, qu'il ne pouvait rien faire. Très bien. Là, la conclusion. Bon, donc ils n'ont plus d'argent chez, d'après ce qu'ils nous ont dit chez Service Aquitain. J'aimerais bien qu'on les appelle quand même pour qu'ils nous le confirment, leur laisser une dernière chance de peut-être régler ce problème et après, eh ben on va appeler des entreprises qui marchent en Gironde. Maintenant, je lance un appel. Ils sont nos amis curés, prêtres et séminaristes. Ils sont dans la région de, que je ne dise pas de bêtises, Saint-Seurin de Cursac, par là-bas. Si quelqu'un fait des clés et peut se dire, ah ben tiens, Dieu me le rendra, parce que quand vous arriverez au paradis, Dieu, il vous reconnaîtra, il dira, dis donc, c'est pas toi qui as fourni les 3 clés ? Viens, viens, je vais te donner, prends la suite. C'est toi, tu vas avoir une chambre vue mer, alors que d'autres ne l'auront pas. J'aimerais bien que quelqu'un là-bas, on sera ravi de lui faire une super pub. Voilà, ça sonne. Ouais. Encore une fois, ils l'ont dit à Sarah, mais je veux être sûr qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté pour ne pas dire n'importe quoi sur l'antenne d'RTL. Oui. Service Aquitain ? Oui. Bonjour Julien Courbet, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, nous sommes sur la radio RTL. Je voulais juste que vous me confirmiez ce que je crois. Qui vous a parlé, Sarah ? C'est ce monsieur, je le reconnais. Voilà. Bonjour, que vous confirmiez monsieur. Que vous alliez déposer le bilan, donc que ce monsieur puisse s'asseoir sur ses clés, c'est ça ? De qui vous parlez ? Alors je parle de, vous savez, les 2 prêtres et les 3 séminaristes qui ont payé pour 3 clés qu'ils n'ont jamais eues. 728 euros. Ah, pas du tout. Comment ça, pas du tout ? Ben non, ces messieurs ont payé pour une serrure qui leur a été installée en temps et en heure, livrée et fournie avec 4 clés d'origine qu'ils ont eues, qu'ils ont en leur possession. Et ils ont demandé 3 clés supplémentaires qui ne leur ont jamais été facturées. Alors, Sarah. Je me permets de vous interrompre. Bonjour, monsieur. Nous avons discuté longuement la dernière fois. Je vous avais bien spécifié que sur le devis, il y avait bien les 3 clés qui figuraient dans le devis. Donc, la somme était en dessous. Donc, contractuellement parlant, elles ont été payées. Et vous avez fini par me dire qu'effectivement, donc, malheureusement... On est bien d'accord. Je souhaiterais que vous rectifiez ce que vous avez dit, monsieur Courbet. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, on n'a pas facturé les 3 clés qui manquent. Monsieur, ce que je vais faire, c'est que je vais. On a encore le devis. Ce que je vous propose, monsieur, c'est que je vais mettre le devis sur Internet. Comme ça, tout le monde pourra le voir et pourra juger si oui ou non. Vous dites que ils ne vous doivent. Enfin, vous ne leur devez pas des clés. Non, pas du tout, monsieur. Vous n'avez pas bien entendu ce que j'ai dit. Alors. Je vous ai dit 700 euros correspondent à l'installation d'une serrure 3 points. Oui. Fournis avec 4 clés d'origine qu'ils ont, et ils ont demandé 3 clés supplémentaires, donc ça il y en avait pour 120 euros, mais ces 120 euros n'ont jamais été facturés, et vous pouvez demander à monsieur le comptable de l'abbé. Et ces 3 clés, effectivement, comme j'ai expliqué à votre collaboratrice la semaine dernière, nous ne pouvons pas les récupérer puisque le compte fournisseur chez lesquels ça a été commandé est bloqué du fait que la société n'a pas les fonds pour débloquer. Ah, mais c'est pas eux qui déposent le bilan, c'est la société Sarah qui fournit les clés. Vous m'aviez pas dit justement que vous-même, vous aviez des problèmes de trésorerie, que vous déposiez le bilan ? Oui. Merci. Ah, vous aussi, monsieur. Merci. D'accord. Bon. Alors, écoutez, je pense que voilà, c'est très compliqué. Je souhaiterais que vous rectifiez, monsieur Courbet. Nous n'avons pas vendu trois clés à une abbaye cette année. Monsieur, voilà ce que nous allons faire. Je suis entièrement d'accord, monsieur. Et il faut dire les choses. Monsieur, écoutez-moi. Donc, on voilà. aurait souhaité les installer. On aurait été monsieur, plus heureux. Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va appeler le curé tout de suite et on va publier le devis. Et si je me trompe, monsieur, je vous présenterai mes excuses parce qu'il faut qu'on soit très clair. Non, mais à ce moment-là, on vous adressera les coordonnées de notre avocat. Si vous voulez, il n'y a aucun souci, monsieur Courbet. Et monsieur. À l'avenir, renseignez-vous un petit non, peu. Non. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas encore dit mon dernier mot, monsieur des services Aquitaine. On va appeler Jean-Michel, hein, qui est le principal intéressé. Il va nous dire ce qu'il y a sur sa facture ou pas, et on va voir si effectivement nous mentons ou ce qui a vraiment marqué dessus. À tout de suite sur RTL. On va l'avoir en ligne. On sera trois à discuter et on va vraiment savoir ce qui s'est passé. RTL. Envie d'acheter ce que vous aimez à prix tout doux en beauté, bijoux, maison et mode? La solution, c'est QVC. Chaque jour, dès minuit, découvrez le Today Special Value, l'offre privilège du jour. Alors à ce soir, sur la chaîne télé QVC et la boutique en ligne QVC.fr en tapant trois lettres QVC.fr. QVC, achetez ce que vous aimez, aimez ce que vous découvrez. RTL, première radio de France. Vous savez quoi? Le meilleur, c'est les mélanges. Et ça, Belfort Radler l'a compris. Si on mélange le goût affirmé d'une bière du Nord Belfort à la saveur ensoleillée du citron, si on ajoute la fraîcheur désaltérante d'une bière blonde à la fraîcheur acidulée du citron, on obtient l'étonnante Belfort Radler. Une alliance de bière et de citron. Une saveur unique, fraîche et pétillante. Belfort Radler, un zeste de fraîcheur. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Message de Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA. Cette année encore, 60 000 animaux seront les grands perdants de l'été. Pour aider les refuges de la Société protectrice des animaux à les prendre en charge, soutenez-nous. Faites un don sur la-spa.fr. La SPA vient d'obtenir le label Don en confiance. Avec RTL. Chez Sarenza, pendant les soldes, Vanessa, responsable des réductions, peut devenir complètement folle. Allez hop, aujourd'hui, moins 10% supplémentaire sur les Geox hommes, femmes et enfants. Vanessa, ça va? Tu veux pas un petit verre d'eau? Un antidépresseur? Non, laissez-moi faire des réductions. Je veux faire des réductions. Respire, Vanessa, respire. Vanessa, elle est folle. Mais c'est ce qui permet à nos clients de rester, eux, très raisonnables et de chausser toute la famille en Geox. Moins 10% supplémentaire sur les Geox déjà soldés, c'est aujourd'hui. Vanessa, tu peux soumettre l'offre à condition tout de même? Ah non. Un vent de révolution souffle sur le camping. Les vieux se tapaient la musique de vieux, là. Tu sais ce qu'ils disent, les vieux? Camping 3. Moi, j'ai arrêté d'écouter de la musique à la mort du chanteur d'Oasis. Il est pas mort, le chanteur d'Oasis. Quoi? Il est pas mort, Carlos Patrick? Eh, hey, Carlos! Oasis, oh! Qu'est-ce que tu bois, Jojo, Jojo? Franck Dubosc et toute l'équipe de Camping 3 vous attendent le 29 juin au cinéma avec RTL. Vous allez où, vous, pour changer vos pneus? Sur Internet ou chez un pro? Moi, je vais sur Internet et chez un pro. Et hop, popgum.fr. Sur popgum.fr, je choisis mes pneus parmi les grandes marques, je paye tout en ligne et je prends rendez-vous chez un pro pour le montage. Et hop, popgum.fr. Mon petit truc en plus, cliquez sur promo pneus et profitez des pneus à prix canon. Popgum.fr, le spécialiste du pneu de marque à prix Internet. Popgum.fr. Simplifiez-vous le pneu. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, faites-moi le numéro de Jean-Michel, puisque c'est lui à la paroisse qui se plaint de ça. Il va nous dire ce qu'il a sur ses comptes, sur ses relevés, combien il a payé. Voyez, on va dire la vérité, monsieur, toute la vérité. Si on se trompe, vous pourrez faire appel à qui vous voulez, un avocat. Il n'y a aucun souci. Allons-y, c'est parti. Allô. Jean-Michel. Oui. Jean-Michel, c'est Julien Courbet. Nous sommes sur la radio RTL. Jean-Michel, oui, je suis avec la société Service Aquitain. Ce monsieur est très clair. Il nous dit, j'ai livré des serrures avec quatre clés. C'est ça, monsieur de Service Aquitain? Oui, une serrure complète, trois points avec quatre clés. Et effectivement, il manque les trois clés supplémentaires. Mais 700 euros correspond à la serrure complète. Voilà. À trois clés. Alors, sur le devis, ça veut dire, monsieur, que le devis était plus cher puisqu'il ne les a pas payés. On est d'accord? Le devis était de quelque chose comme 700 et des brouettes. Donc, et il comprenait les quatre clés ou pas? Est-ce que c'était marqué? Sept clés? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur votre devis, Jean-Michel? Ah ben, verrou de sûreté, multipoint, trois points fournis avec quatre clés, plus trois clés supplémentaires à faire fabriquer, cylindre de longueur 50 cm, 50 mm, protection, ainsi de suite. Voilà, main d'œuvre 120 euros. L'ensemble des... Jean-Michel, si, le prix, oui. le prix. Jean-Michel, est-ce qu'il est marqué que les trois clés supplémentaires à faire fabriquer ont un prix? Ah non. Voilà. Alors monsieur, comment vous expliquez? Comment il peut savoir, lui, combien ça va lui coûter, puisque vous mettez sur votre devis qu'il y a quatre clés plus trois à faire fabriquer, mais vous mettez même pas le prix, rien. C'est inclus dans Donc le c'est total. Inclus. Ah, il est inclus, oui. Oui. Monsieur de service aquitain, pourquoi vous mettez pas le prix dans ces cas-là? C'est qu'il doit pas 720 euros puisqu'il vous demande 7 clés. Si 7 clés c'est plus que 720 euros, vous lui faites un devis qui vaut plus que 720 euros. Ah, ben voilà. Alors monsieur de service aquitain, dites-moi, au niveau de la diffamation, on est comment là? Je crois que vous avez pas bien compris, il faudrait que vous relisiez le document. 728 euros ou 700 et quelques euros, c'est le total. Oui. D'accord, la serrure avec les quatre clés fournies d'origine, les trois supplémentaires et la pose. D'accord. Et il a payé combien? D'accord. Aujourd'hui, ben, il faudrait demander à celui qui nous accuse, monsieur le comptable, il a payé... Ah non, non, non, je n'accuse pas. La facture totale fait 728 euros. Oui, mais vous avez payé combien, monsieur? J'ai payé 728 euros. Non, vous n'avez pas payé 728 euros. Monsieur. Comment avez-vous payé, Jean-Michel? Il reste 120 euros. S'il vous plaît. Le montant des trois clés manquantes. J'ai payé par chèque... Voilà. Non mais à la commande. Monsieur dit il manque 128 euros pour les trois clés manquantes, mais elles ne sont pas sur le devis, vos 128 euros. Mais non, mais quel rapport avec le devis? Est-ce qu'ils n'ont pas payé 120 euros? Donc la facture est de... ils ont payé en quelque chose comme 600 euros sur les 728. Non, j'ai payé 728 Alors, euros. Alors Jean-Michel, écoutez-moi, vous avez payé comment? J'ai payé par deux chèques. Alors, ces chèques... Un chèque de 250 euros. Parfait. À la compte. Oui. Hein, quand il m'a donné le devis, j'ai payé un chèque dans la minute... Jean-Michel, ne me faites pas de longues phrases, soyez sympa, on est en voilà. Fin d'émission. Écoutez-moi, est-ce que vous avez la copie de ces chèques, Jean-Michel? Ah, j'ai pas la copie des bon, chèques. Bon, alors monsieur, on va trouver. Les avoir, alors, j'ai monsieur, les numéros et tout. Monsieur hein de service aquitain, ce monsieur, oui. Vous avez un relevé de compte, Jean-Michel? Ah, j'ai un relevé de compte. Bon, oui. Alors, vous allez me trouver, s'il vous plaît. Je sais que ça va vous prendre un peu de temps. Le relevé de compte où il y en a pour 700 euros. Qu'on explique bien à ce monsieur de service aquitain que vous avez payé 700 euros. Voilà. D'accord. Oui, c'est sur deux relevés de Parfait. Compte différents. Allez-y. Vous me le faites pour demain, vous me trouvez le relevé de compte. Et je D'accord, vous rappelle demain. Je vous l'envoie dans l'après-midi. C'est super. Monsieur de service aquitain, je vous envoie dans l'après-midi le relevé de compte comme quoi ils ont payé 700 euros. Ça vous va? Mais nous, on a nos comptes aussi. Hein, ah, mais non, vous venez de dire qu'il a payé 600, payé, monsieur. Pas payé. Alors, combien il a payé, monsieur de service aquitain? Eh bien, la facture totale, moins, je vous le dis tout de suite. Alors, les trois clés supplémentaires, c'est 133,71 €. Il vous a payé combien, lui? Et 728, alors oui, 728 correspond donc à la serrure voilà, et aux quatre clés. Voilà. Et il y a une facture donc de 131 €. Oui, non, mais sur la facture, cette facture-là n'est jamais non, arrivée. Non, c'est sur le devis, la facture n'est jamais monsieur, arrivée, monsieur, sur le devis. On ne facture pas des clés qui n'ont pas encore voilà, été installées. Là, bien sûr, monsieur, je peux vous le dire, vous pouvez vraiment appeler votre avocat, il n'y a pas de souci. Là, allez-y, tranquille, appelez-le, mais alors, allez-y, il n'y a pas de souci. Appelez-le. Vous voulez qu'on l'appelle pourquoi, monsieur? Mais je sais pas, vous m'avez dit que je faisais de la diffamation. Je vous dis, allez-y, parce que la diffamation, oui, c'est quand on dit quelque chose qu'on ne peut pas. Oui. 700 euros, trois clés, monsieur. Non, je vous accuse d'avoir surmis sur un devis les serrures, quatre clés plus trois clés supplémentaires pour un montant total de 728 euros, puisque le montant des clés supplémentaires n'apparaît pas sur le devis, monsieur. Donc elles sont incluses. Parce que là, vous sortez le prix du chapeau, mais lui, il ne le sait pas puisque c'est pas sur le devis. Or, sur le devis, vous me parlez bien de sept clés, monsieur. Non. Non, je vais le mettre. Je vais le mettre en ligne. Allez, on va mettre le devis. Vous m'envoyez le devis, Jean-Michel. Il les a réclamés après coup. Donc, il les a réclamés après coup. Monsieur, il les réclame après coup. Vous êtes devin. Ils ont vu des choses importantes. Ah oui, l'actualité, bien sûr. Si le monsieur veut les trois clés, elles n'ont pas été facturées. Il se les fait faire. Si on avait non, monsieur, il va aller au tribunal de proximité. Bon, ok, ça marche. La possibilité de le faire, monsieur. Ça marche. En tout cas, monsieur, ce qui est simple à comprendre. C'est que voilà, maintenant j'ai bien compris que vous avez bien mis 7 clés. 7 clés, donc. Sur des sujets bien plus grands. Bien sûr. En tout cas, monsieur de service aquitain, voilà. Je récapitule, vous m'avez dit que vous alliez bientôt déposer le bilan, je ne me trompe pas? demander à notre avocat. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, on le réécoutera. Donc ça, il faut le savoir. Je vous demande. Mais c'est peut-être de mauvaise foi de vous poser une question. Allez, ça marche. Merci, monsieur. Bonne journée. Allez, au revoir à la première. Alors, service aquitain, dont Madame Odelle Schiltz, je le rappelle, est la gérante, voilà, nous a donné sa position. Ils nous ont dit, on pourra le réécouter, on risque de déposer le bilan. Et ils nous disent également, ces trois clés ne doivent pas être, doivent être facturées en plus, ce qui est faux, puisqu'on va mettre le devis en ligne. Donc, Jean-Michel, nous allons contacter très vite, en urgence, nos compagnons de demandejustice.com, tribunal de proximité. Vous n'aurez à vous occuper de rien, Jean-Michel. Je tiens vraiment à ce qu'on lui fasse un service premium. Je viens compter sur moi. Allez, merci pour ce bon moment, Jean-Michel. Alors, on vous tient au courant. Tout de suite. RTL présente The Illusionist, la nouvelle génération de magiciens. Pour la première fois en France, retrouvez les 7 plus grands magiciens du monde. The Illusionist, à Paris, aux Folies Bergères, à partir du 17 novembre. Soyez témoin de l'impossible. Location ouverte, un événement TF1, Le Parisien et RTL. Carrefour Market fête ses clients. J'adore votre fête, ça réveille en fanfare. Vous me proposez quoi aujourd'hui? Le meilleur des réveils, Michel. Market fête ses clients avec une sélection de prix choc. Par exemple, jusqu'au 3 juillet, la cafetière à dosettes Tassimo, prête en un clic, est à seulement 29,90€. Oh, ça me plaît, c'est une cafetière à dosettes. Une offre comme ça, c'est à saisir rapido. Alors, servez-moi illico. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Multiboisson, tasse 2002. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Au petit matin du 29 novembre 1981, le corps de l'actrice américaine Natalie Wood est retrouvé dans une crique à Santa Catalina, aux États-Unis. Selon la version officielle, l'actrice serait tombée par-dessus bord alors qu'elle naviguait avec son mari, Robert Wagner, et avec l'acteur Christopher Walken. Cependant, aujourd'hui encore, le doute persiste sur les véritables circonstances de cette mort. Mon invité Géraldine Maillet a mené l'enquête. Rendez-vous à 14h, l'heure du crime sur RTL. Eh bien, mesdames et messieurs, quelle émission. Jean-Michel aura un service premium avec nos amis de demandejustice.com. Croyez-moi, on va s'en occuper parce que c'est pas normal. On ne peut pas comme ça mettre 4 clés plus 3 à fabriquer, ce qui veut rien dire à fabriquer. À commander, oui. C'est-à-dire à commander, ça veut dire qu'ils ne les ont pas. Oui, et exactement. Montant total 728, et après, quand on dit bah, donnez-moi mes 3 clés que j'ai payées, ben bah, non, faut rajouter. Attention. Oh là là, on va se retrouver pour avoir le résultat de tout ça. Oui, Hervé. On aurait pu appeler Enrico Macias. Pourquoi? Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Bon, ça s'est trop bien passé, il fallait que ça se termine mal. Merci, Stéphane Bern arrive dans quelques instants. Je me disais, il va me tomber un truc en travers de la gueule à un moment ou à un autre, parce que ça se passe trop bien. Merci Hervé Pouchol. RTL, 11h. Et tout de suite les infos, bien sûr, avec vous Olivia Leray. Bonjour à tous, une bataille perdue pour l'écologie pour Cécile Duflo. Hier, les habitants de Loire-Atlantique se sont déclarés favorables à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les occupants illégaux du terrain devront partir d'ici le début des travaux, à l'automne, dit Manuel Valls. Je crois que les discussions entre le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont commencé pour savoir comment ils allaient procéder. C'est ce que précise Ségolène Royal, l'invitée d'RTL ce matin au sujet de l'évacuation du site. C'est la question du jour d'RTL midi. Le site doit-il être évacué maintenant? Donnez-nous votre avis au 3210 ou sur notre site internet rtl.fr. On ne sait pas quand ni de combien, mais le prix du pass Navigo va augmenter. C'est une annonce de Matignon. L'État et la région Île-de-France ont signé un protocole ce matin. Un financement à long terme du système de transport dans la région contre cette augmentation du tarif de l'abonnement notamment. C'est oui pour la manifestation contre la loi travail demain à Paris. La 11e journée de mobilisation aura donc bien lieu. La préfecture de police a donné son accord de principe pour un trajet entre la place de la Bastille et la place d'Italie. Trajet qui doit encore être validé par la préfecture dans les minutes qui viennent. Angela Merkel reçoit François Hollande et Matteo Renzi à Berlin en urgence ce soir. Une réunion entièrement consacrée à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne 5 jours après la victoire du Brexit. Outre-Manche, le ministre britannique des Finance George Osborne prévient aujourd'hui le Royaume-Uni ne doit activer l'article 50 pour quitter l'UE que lorsque le moment sera opportun. Mais il l'assure, l'économie britannique est prête à affronter ce que l'avenir lui réserve. Les juges d'instruction ont terminé leur enquête sur l'arbitre arbitrage tapis. Lui, son avocat et trois autres personnes sont mises en examen pour escroquerie en bande organisée dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Euro de football, l'affiche des huitièmes de finale à 18h au Stade de France, Italie-Espagne. Juste avant, Angleterre-Islande à 21h à Nice. Le vainqueur sera l'adversaire des Bleus en quart de finale. La défaite de trop pour Lionel Messi après le nouvel échec de l'Argentine en finale de la Copa América contre le Chili. Le quintuple Ballon d'Or arrête. Il avait fait ses premiers pas en sélection nationale il y a près de 11 ans et cumulé 112 sélections. Enfin en tennis, début du tournoi de Wimbledon, c'est le grand chelem sur gazon. Tradition oblige, Novak Djokovic, le tenant du titre, ouvre le bal aujourd'hui. Les courses ont lieu à Auteuil aujourd'hui. Les pronostics de Bernard Glass, il vous conseille le 5, le 8, le 11, le 6, le 1, le 4, le 7 et le 10. La dernière minute de Bernard, c'est le 7. Le temps pour aujourd'hui, comme depuis quelques jours, très nuageux dans le nord et estival dans le sud. Des averses sont à prévoir du Poitou-Charentes au Nord-Pas-de-Calais. Quelques timides éclaircies sur les côtes de la Manche. Sur le sud-est, le temps sera très ensoleillé avec Mistral et Tramontane modérées. Les températures, 17 degrés à Cherbourg, 18 degrés à Troyes, 21 à Paris, 22 à Toulouse, 25 à Nice, 26 à Lyon et 31 à Nîmes. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. RTL 11h03 tout de suite à la bonne heure. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour, bonjour Olivia Leray. On vous retrouve naturellement à midi pour faire un point sur l'actualité, Olivia. Et nous nous plongeons dans la bonne heure en direct et en public. Et oui, je sais, nous entamons notre dernière semaine de direct. Mais justement, on a choisi des invités aux petits oignons. Aujourd'hui, c'est Chantal Latsou qui est là. C'est toujours en direct, non? Oui, sauf qu'à partir de la semaine prochaine, on prend notre rythme d'été. Ah, d'accord, enregistré. Ouais. Ouais, voilà. Ça veut dire on parce que pas tu là, vas quoi. Sur la plage. On s'habitue à notre affaire. Non, même pas. J'adorerais. Et Paris-Plage. Voilà. Paris-Plage, exactement. Alors, je vous présente toute ma petite équipe, si vous voulez bien, Chantal. Oui, allez-y. Alors, je vois De Benoît qui passe dans l'aquarium. Il ne faut pas le dire parce qu'il est l'invité de. Ah, d'accord. Ah, oui. Il est l'invité mystère. Laurent, il va être content. Il va être content. Allez, on t'embrasse. Vous allez te virer les grosses têtes. Ouais, hein. Ouais. Ça, c'est une faute professionnelle, ça. Donc, c'était Olivier de Pas-Benoît. Ah, d'accord. Moi, j'ai fait des gaffes. C'est pas ça, Olivier. Ah, oui, mais vous êtes spécialiste des gaffes. Ah, oui, oui, parce qu'au début de l'invité mystère, j'ai tweeté que j'étais avec Black M le matin. Ah. Alors, je vous présente tout le monde. Il promène toujours sa boule avec lui, mais sa boule est déjà en vacances. C'est notre voyant du lundi, Tanguy Pastureau. Bonjour. Et aujourd'hui, je suis capable de vous dire à l'avance tout ce qui va se passer pour vous tous durant vos vacances. Oui, là, là. Alors pour vous, Stéphane, c'est feta, ouzo, soleil et sexe. Je ne sais pas. Comme d'habitude. Voilà. C'est la boule qui dit ça. C'est la boule qui dit ça. C'est la boule. Mais c'est même ça pendant quand c'est pas les vacances. Hein. Voilà. Tout ce que vous auriez dû savoir ce week-end, mais qu'on vous a caché, eh bien Régis Maillot va vous le dire dans ses Maillots Express. Bonjour à tous. Alors. Aujourd'hui, il sera question d'exit. Il n'y a que de l'exit, des Brexit, des à la bonne heure exit.